barre des sciences. Chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre présence pour ce nouveau mardi de l'espace organisé par le CNES, l'Agence française de l'espace, et l'association Barre des sciences Paris. Xavier est là avec son piano. Merci Xavier. Ah oui. Et nos twittos sont là également. Ils vont faire un récit de notre soirée sur Twitter. Et vous aussi, vous pouvez suivre ce récit fait sur Twitter. On appelle ça un live tweet. Et vous pouvez aussi participer, si vous le voulez, sur Twitter avec le hashtag KnesTweetUp. On a au moins un grand défi à relever au cours de notre siècle qui commence. C'est le défi climatique. Il vient de faire l'objet d'un nouveau rapport du GIEC. Le GIEC, c'est un groupe de milliers d'experts internationaux, en particulier de climatologues, qui ont remis leur cinquième rapport. Un rapport qui fait autorité et qui fait l'état des connaissances scientifiques sur le réchauffement. Il précise également l'impact du changement climatique en cours sur les sociétés et sur les écosystèmes. Et il évoque des mesures possibles à prendre pour atténuer ce dérèglement climatique. Alors, à la lumière de ce rapport, on va se demander, est-ce que la maladie est plus grave que prévu, docteur ? Oui, c'est le sujet de notre mardi de l'espace. Changement climatique, plus grave que prévu, point d'interrogation. Quelles mesures prendre pour résoudre ce problème ? On va donc se poser des questions sur notre bonne vieille Terre. Mais on va aussi partir pour l'espace. Car c'est depuis l'espace que viennent une grande part des données qui nous permettent aujourd'hui de mieux connaître le climat et de suivre son évolution. L'espace, donc, joue un rôle capital pour comprendre le changement climatique. On va en parler avec vous tous ce soir, qui êtes là. Et vous allez pouvoir poser vos questions directement à nos deux intervenants de ce soir. Merci de les accueillir, s'il vous plaît. C'est Jean Jouzel et Yann Kerr. Jean Jouzel, Yann Kerr, merci infiniment d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous voulez bien vous présenter, nous dire qui vous êtes, Yann Kerr, à vous. Donc, je m'appelle Yann Kerr, je travaille pour le CNES dans un laboratoire de recherche qui s'intéresse principalement à la biosphère et à la manière de suivre donc, cette couche qui enveloppe la Terre où il y a toute la vie avec des satellites. La biosphère, hein, ça, on arrive à la suivre. Et vous êtes donc le directeur d'un laboratoire, hein, qui est le CESBIO. Qu'est-ce que ça veut dire, CESBIO ? Centre d'études spatiales de la biosphère. De la biosphère, voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut suivre la biosphère depuis l'espace ? Ça, c'est votre grande affaire. Et puis, vous êtes le PI, donc le responsable, si je peux dire, scientifique d'une mission, oui. Qui est SMOS. Qu'est-ce que c'est que SMOS, d'un mot ? SMOS, en deux mots, c'est un satellite très nouveau qui utilise des techniques développées par les radio-astronomes pour regarder le ciel. Et sa mission, c'est de mesurer l'humidité des sols et donc, la salinité des océans. Au lieu de regarder le ciel, on regarde la Terre. Et ça permet de savoir quoi ? Connaître l'humidité des sols et la salinité des océans. Et la salinité des océans. Donc ça m'intéressera de savoir comment est-ce que, depuis l'espace, depuis quelques centaines ou milliers de kilomètres, on arrive effectivement à déterminer la salinité des océans. Et puis à votre côté, Jean Jouzel. Oui, bonsoir. Bonsoir Paul, bonsoir à tous. Merci de l'organisation de cette soirée. Donc moi, je suis chercheur dans le domaine de l'évolution du climat. Disons, je m'intéresse plus spécifiquement au climat du passé à travers les glaces polaires. Et c'est ce qui m'a quand même amené à m'intéresser au climat du futur. Parce qu'il y a une continuité entre passé et futur en termes de climat, et climat d'aujourd'hui également. Donc je me suis intéressé, par exemple, en m'investissant dans ce que vous avez cité, Paul, c'est-à-dire les rapports du GIEC. Hein. Je suis impliqué dans les rapports du GIEC depuis pratiquement le début, il y a une vingtaine d'années. Je suis actuellement membre du bureau du GIEC et... Donc j'ai eu, alors je ne sais pas si c'est la chance, mais en tout cas j'ai beaucoup apprécié, j'ai participé en tout cas au processus d'adoption des trois volets du rapport, le premier à Stockholm, le second à Yokohama et le troisième groupe à Berlin. Et nous aurons le rapport de synthèse pour boucler le tout à Copenhague en octobre prochain. D'accord. Donc glaciologue, climatologue, et vous vous occupez d'un laboratoire aussi. Oui, je m'occupe. Non, actuellement, je n'ai plus de responsabilité. Ah, non, j'ai donné aussi des responsabilités de laboratoire. J'ai été directeur de l'Institut Pierre Simon Laplace, c'est-à-dire l'Institut Pierre Simon Laplace. Ça regroupe l'ensemble des laboratoires qui s'intéressent au climat et à tous ces problèmes et aux problèmes connexes en région parisienne. C'est Hervé Le Treut qui en est le directeur actuellement, mais moi je suis tranquille. Voilà. Tranquille. Et on est tranquille avec vous ce soir, pas pour longtemps, parce que Xavier a quelque chose à vous dire. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour pouvoir regarder demain droit dans leurs yeux, mes petits, sans regret ni sang sur les mains? Acheter une voiture électrique, c'est certain que ça fait très chic, mais ça change pas grand-chose au trafic. Pourtant, je vois la planète qui se réchauffe, je voudrais m'engager que ça chauffe, être plus virulent que Jean-Pierre Coff. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour pouvoir regarder demain droit dans leurs yeux, mes petits, sans regret ni sang sur les mains? Bloquer ce gros projet minier australien qui est financé par tous ces puissants banquiers. Et s'il faut un jour prendre les armes, peut-on me dire qui l'on condamne, qui a abusé du butane? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour pouvoir regarder demain droit dans leurs yeux, mes petits, sans regret ni sang sur les mains? Ça marche, la voiture électrique, alors ? La voiture électrique ? Ah, il faut l'acheter quand même, hein. Il faut produire quand même l'énergie. Il faut produire quand même l'énergie électrique. Donc, ça dépend comment on produit l'énergie électrique. Voilà, mais il a tout compris. Bon. Alors ça, c'est des questions qu'on va se poser, effectivement, Xavier. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire pour demain ? Mais avant de voir ce qu'on peut faire pour demain, on va déjà essayer de voir... de poser déjà la question, titre, de ce mardi d'espace... Docteur, est-ce que c'est plus grave que prévu, comme le laisse penser notre titre ? Alors, je réponds d'abord. Allez-y, je vous aide. Et puis ensuite, on va parler de la composante espace après. Moi, je pense surtout que... Alors, est-ce que c'est plus grave que prévu ? Ça, c'est une idée qu'on se fait, mais dans la réalité, quand on regarde la succession des rapports du GIEC, on en est vraiment là où nous, disons, anticipions d'être il y a une vingtaine d'années. Quand vous regardez le premier rapport du GIEC, le second rapport du GIEC, nous sommes tout simplement là où, disons, nous pensions que nous allions être. Alors là où nous allons plus vite, alors il y a deux choses. Là où nous allons plus vite que nous pensions peut-être, c'est en termes d'émissions de gaz à effet de serre. On émet davantage de gaz à effet de serre. On est dans la fourchette haute des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre qui étaient, envisagés dans les années 90. Et ça, c'est l'émergence de la Chine. On pourra discuter de tout ça. Alors, je pense que ce qui marque le dernier rapport du GIEC, c'est que maintenant, c'est très concret. C'est peut-être pas plus rapide, peut-être pas plus important que nous l'avions envisagé, mais c'est très concret et d'une certaine façon... Vos certitudes sont encore plus ancrées et assurées que par le passé. Yann le dira, il suffit de regarder autour de nous pour comprendre que les choses changent. Hein, donc il y a une magnifique carte dans le je ne l'ai pas mise sur... Ah bon, on peut la regarder. Il y a une magnifique carte dans le groupe 2 du rapport du GIEC qui montre que où vous soyez sur la planète, vous commencez à percevoir... Ah, c'est pas encore dangereux, les effets du changement climatique. Donc c'est vraiment, ça devient concret. On perçoit, mais c'est pas encore dangereux. Non. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui qui est le problème. Ça peut déjà être un problème parce qu'on parle d'augmentation des extrêmes. On est interviewé sur ce qui se passe en Serbie et en Bosnie. Est-ce que c'est lié au réchauffement climatique en Bosnie, et ainsi de suite. Énorme, Mais disons ce que l'on vit actuellement, disons même s'il y a des dérèglements climatiques, on est très prudent sur l'attribution, n'a rien à voir avec ce vers quoi on va si on ne fait rien pour lutter contre le changement. D'accord. Alors, quels éléments pour croire au changement climatique ? Quels éléments ? Le premier, c'est suivre l'atmosphère. La combustion de l'atmosphère change de façon rapide, importante. Hein, plus 40% en gaz carbonique depuis 200 ans. Ce sont des augmentations plus que doublées pour le méthane. Donc, c'est-à-dire depuis le début de l'ère industrielle. Ouais, en gros, le résultat net, c'est que il y a 1% de plus d'énergie dans le système climatique. Qu'il y a 200 ans. Il y a de l'énergie en plus. Qu'est-ce que c'est On avait 237 watts au. Enfin, 237 pour chauffer. Donc c'est thermique, là, en l'occurrence. Ouais, pour chauffer, c'est la chaleur. Watts par mètre carré. On en avait 237 pour chauffer le système climatique. Pas que l'atmosphère. Il y a beaucoup qui va dans l'océan. Hein, c'est pas que l'atmosphère. Disons, on parle du système climatique. On en avait, 237. Il y en a 239 ou 240. C'est-à-dire, il y a 1% de plus. Et ça, c'est vraiment lié à cette augmentation de l'effet de serre dont nous sommes indéniablement à l'origine. Pour partie, c'est-à-dire qu'il y a des éléments naturels aussi qui entrent en ligne de compte. C'est quand même un des progrès du cinquième rapport du GIEC, c'est d'avoir chiffré pour la première fois. Dans le quatrième rapport du GIEC, nous disions ce sont les activités humaines qui sont plus de 90 chances sur 100 à l'origine du réchauffement récent. Plus de 90 chances sur 100. Ça, c'est ce qu'on disait dans le dernier rapport du GIEC. Dans le quatrième. Dans le cinquième, on est vraiment plus clair, ouais. Et en tout cas plus quantitatif. Plus clair, parce qu'on dit que c'est plutôt 95 chances sur 100. Maintenant, on dit 95 sur 100. Et surtout, on donne une valeur à la fois à ce que peut apporter le réchauffement a été de 7 dixièmes de degré depuis 50 ans. Il pourrait être entièrement expliqué par l'augmentation de l'effet de serre. À l'inverse, on a chiffré effectivement ce à quoi pourrait contribuer la variabilité naturelle. Par exemple, les variations du soleil, c'est moins d'un dixième de degré. On inclut à la fois la variabilité solaire et la variabilité climatique. Ce sont des convictions que vous avez acquises. Ce ne sont pas des convictions. Elles sont à 95%, c'est presque de la conviction. Oui, mais enfin, ce sont des arguments, toute une série d'arguments, oui, d'observations. Yann en parlera certainement. Non, ce que je veux dire, c'est que tout ça s'est construit, non pas vous, Jean Jouzel, tout seul, mais c'est une réflexion internationale. C'est combien de chercheurs Et vous mettez toutes vos données ensemble, et elles sont compilées. Oui, le rôle. Le GIEC ne fait rien. Le GIEC simplement fait un diagnostic de ce que les scientifiques ont publié au cours des années récentes. C'est vraiment un diagnostic. On ne fait pas non plus de recommandations. L'idée, c'est de dire ce que l'on voit, ce que l'on sent, ce que l'on projette pour l'avenir. Tout cela à la lumière d'articles publiés par des scientifiques de tous les pays du monde, effectivement. Oui. Alors, on va voir où tout cela nous conduit, et puis si on peut agir d'une manière ou d'une autre. Yann Kerr, on va poursuivre avec vous pour parler de l'espace. Parce que là, on parle de la Terre, quand même, c'est notre sujet. Alors, que peut l'espace pour la Terre ? L'espace donne un moyen de mesure, c'est un instrument de mesure. Une fois qu'il est maîtrisé, il nous permet de couvrir l'ensemble du globe de manière... Parce que ça, c'est quand même un problème. Couvrir l'ensemble du globe, je suppose... Tant que si on n'a pas l'espace, c'est pas évident. Il est très difficile d'avoir une vision globale de tout ce qui se passe à la surface du globe si on utilise uniquement les moyens traditionnels classiques. Donc, on parle de la mission en humidité des sols, là, il n'y a pas longtemps. Si votre SMOS, là, hein, c'est votre satellite SMOS. Si on doit faire des prélèvements tous les 5 km à la main, on ne s'en sortira pas pour couvrir le globe. Par contre, avec le satellite, on a une vision globale. Et surtout, on a une vision qui s'affranchit des techniques de mesure au sol. Et l'exemple classique, c'est avant, quand on avait les réseaux de mesure nationaux, ils ne se raccordaient pas toujours au niveau des frontières, parce qu'il n'y avait pas cette harmonisation. Donc alors attendez, qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ne se raccordaient pas au niveau des frontières. Quels étaient les effets induits indésirables ? Vous aviez, par exemple, des isoyettes, les courbes qui indiquent les quantités d'eau qui tombent, qui ne se raccordaient pas exactement à la frontière, parce que les méthodes étaient différentes d'un pays à l'autre. Donc il pleuvait moins en France et davantage en Belgique, c'est ça ? Elles ne se raccordaient pas, simplement. Ah ouais. Il y avait une discontinuité au niveau des frontières. Discontinuité, d'accord. Bon, l'utilisation des modèles ou maintenant du spatial permet de s'affranchir de ceci et d'avoir quelque chose de plus cohérent sur l'ensemble du globe, y compris dans les zones très difficiles d'accès. Ça pose d'autres problèmes, bien sûr, il faut interpréter la donnée, il faut comprendre ce qu'elle veut dire, et c'est un problème en soi, c'est à résoudre. Mais il nous permet quand même de suivre, par exemple, là j'ai vu récemment un satellite européen qui s'appelle CryoSat, qui mesure... CryoSat, oui. qui mesure, crayon comme la glace. Voilà, qui mesure la quantité de glace sur les calottes polaires, a fait un petit bilan et cette année, l'Antarctique a perdu 160 milliards de tonnes. De glace. Oui, enfin, de glace. De glace d'eau, ouais. 160 milliards de tonnes en oui, un an. Oui, ça commence à faire. Ça ah correspond oui. sur l'ensemble du continent à peu près 2 mm. Mais quand 2 mm d'épaisseur. Oui. Ouais. Mais quand on sait que c'est réparti sur l'ensemble du continent et que la partie ouest est, perd beaucoup plus, là on est à 9 mètres par an. 9 mètres, ça commence à faire beaucoup. Ah oui. Surtout que cette eau se retrouve dans la mer. Et donc on a une élévation du niveau de la mer. Elle est avérée. Ça, on peut le suivre assez facilement, entre guillemets. Ce sont les c'est un signe important, là, quand même, aussi du réchauffement. Oui, mais justement, ouais. ce sont. On la suit grâce aux satellites, largement. Sans les satellites, disons Jason et toute la. Disons, les grands progrès dans tout ce qui concerne. Là, c'est aussi Toulouse qui est en tête, par exemple Annie Cazenave, bien sûr, donc, et toute son équipe qui suivent l'élévation du niveau de la mer, 3 mm par an. Et pour rebondir sur ce que dit Yann, pratiquement plus 40% sont liés, et ça c'est très récent, depuis simplement une quinzaine d'années, 40% de l'élévation du niveau de la mer pratiquement sont liés au Groenland, où les glaciers, les grands glaciers s'accélèrent et vont plus rapidement dans l'océan, et effectivement à l'Antarctique de l'Ouest, surtout l'Antarctique de l'Ouest. Donc, et tout cela, eh bien, c'est à la fois, ce sont beaucoup de données satellitaires, aussi bien on pèse les calottes grâce à grâce, hein, et puis grâce on, à grâce, voilà, grâce et puis, satellite, hein, voilà, et puis on mesure les mesures altimétriques aussi bien sur les calottes que sur l'océan. Yann a raison de dire ouais. que c'est compliqué. Après, il y a beaucoup de travail pour, disons. Il y a des corrections de données, tout ça, mais quand même, c'est vraiment remarquable. Ah oui, oui, oui. Oui, parce qu'on a la donnée brute, Yann Kerr, mais la donnée brute, elle dit rien. Enfin, elle est inexploitable. Non eh bien, c'est comme tout. Hein. Quand on voit quelque chose, on n'a pas forcément la vérité. Il faut comprendre un peu la manière dont c'est mesuré et surtout ce qu'on mesure exactement. Ouais. Et ça, c'est parfois un défi qu'il faut relever. Et les premières périodes de la télédétection spatiale a eu des petites déconvenues parce que les gens sont allés trop vite vers les conclusions. Les chercheurs, quand c'est les gens, c'est les chercheurs, là. Oui, les chercheurs, principalement, à vouloir trop vite sortir de l'information de quelque chose qui n'était pas entièrement maîtrisé. Alors, donnez-nous un exemple. C'est quoi? C'est dans les années 80, c'est ça? Oui, dans les années 80. Qu'est-ce qui s'est passé, là? On avait les premiers suivis temporels d'indices foliaires. L'indice foliaire, il faut nous expliquer, là. C'est quoi l'indice foliaire? L'indice foliaire, c'est la quantité de feuilles par mètre carré, la surface de feuilles par mètre carré. Et il y a ça parle de quoi, l'indice foliaire? Plus j'ai de feuilles, plus il se passe quoi? Oui, c'est beaucoup utilisé par les agronomes. C'est une quantité qui sert énormément pour qualifier la manière dont les cultures poussent. Pousse, voilà. Et bien entendu, plus j'ai de feuilles, mieux je pousse. Et qui dit feuilles dit après transfert vers l'atmosphère, évaporation, respiration des végétaux, donc échange entre les couches profondes du sol, souvent, puisque les racines vont chercher l'eau profondément, et ce qu'elles mettent dans l'atmosphère, point de vue eau. Et bien sûr, il y a en même temps la photosynthèse, donc du carbone, etc. Enfin, il y a tous les processus qui entrent en jeu. Donc, ils mesuraient ça, et puis ils ont oublié de faire quelques corrections atmosphériques, aïe, ou de corriger des dérives d'ordre d'acquisition du capteur. Donc, on avait des angles solaires d'élévation qui changeaient. Alors, attendez, il faut répéter ça lentement. On avait quoi? Excusez-moi. Non, parce qu'on n'est pas des spécialistes. Le capteur passe, les satellites souvent sont, on appelle héliosynchrones, ils mesurent toujours à la même heure solaire. Seulement des fois, leurs orbites dérivent un peu, et au lieu de mesurer, disons par exemple, tous les jours à 1h30, et bien après ils mesurent à 1h40, 1h50, etc. Et il y en a un qui avait beaucoup dérivé, et les gens qui utilisaient ces données faisaient leurs calculs, qui aboutissaient à l'indice foliaire, sans faire cette correction. Sans donc, faire la correction, donc, ouais. Donc, ils ne se rendaient pas compte qu'en fait, leur réflectance, donc la quantité d'énergie réfléchie par la surface, variait, mais pas liée à la surface, liée aux conditions d'éclairement. Liée aux conditions de la détection, en fait. De la position du soleil par rapport au capteur. D'accord. Alors, donc, ils ont publié, et leurs conséquences, enfin, leurs conclusions, c'était quoi? Ils ont arrivé à des conclusions qui choquaient un peu les gens qui connaissaient un peu ce qui se passait. Et c'était quoi? Mais bon, il y a une époque, ils ont dit que le Sahel, par exemple, verdissait. Mais que le Sahel verdissait, ah, c'est voilà, pas mal. Que la végétation reprenait de la place au Sahel. Ah, d'accord. Et c'était faux, évidemment. C'était faux, bon. Donc, il y a ces petits problèmes, et un des gros efforts de pas mal d'équipes dans le monde a été de dire, on a un instrument de mesure. Maintenant, il faut savoir exactement l'utiliser, donc savoir exactement ce qu'il mesure et comment il le mesure, pour être capable d'en tirer des conclusions utiles. Et alors ça, on a utilisé beaucoup les modèles qui nous donnent une vision homogène et relativement stable, et les mesures au sol pour s'assurer qu'on ne faisait pas trop d'anéris. Parfait. Donc maintenant, ce genre de problème est a priori à peu près réglé. La communauté a bien pris conscience de tous ces problèmes et je pense que c'est passablement maîtrisé. D'accord. Bon. Ce qui est rassurant aussi, c'est qu'on s'en aperçoit quand même quand il y a des erreurs ensuite, parce qu'on peut comparer avec la réalité du terrain, Jean-Jouzel. Oui, d'abord, enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut encore... Bon, je pense que la réalité terrain est importante pour les spécialistes des données satellitaires, ça reste toujours important. Mais il y a aussi le fait que... Bien, il y a plusieurs équipes qui abordent le problème avec des visions différentes. Il y a eu, par exemple, tout un problème qui a été, dans un des rapports du GIEC, c'était la mesure des températures dans la moyenne atmosphère qui était biaisée parce qu'il y avait aussi des corrections qui étaient mal faites. Ça, c'était un débat dans les années 90 qui est maintenant derrière nous. Mais ça dure combien de temps? 10-15, dans le deuxième rapport du GIEC, dans le troisième rapport du GIEC, ah ouais, et c'était vraiment cette idée que, et c'était lié aux données satellitaires, à leur interprétation, que certes il y avait réchauffement au niveau de la surface, mais pas du tout réchauffement dans l'atmosphère. Et effectivement, ça se basait sur des données satellitaires et avec des changements aussi d'orbite qui n'étaient pas correctement corrigés. Donc c'est aussi arrivé pour d'autres problèmes que ceux que vient d'évoquer Yann. En tout cas, moi, demain, j'envoie ma candidature spontanée au GIEC. Il paraît qu'ils embauchent. Et le GIEC ne fait rien. Le GIEC ne fait rien. Jean Jouzel nous l'a promis. Et moi, ça, j'aime bien. Et moi, ça, j'aime bien. Rien faire du tout dans la vie. Merci, Xavier. Quelques applaudissements pour Xavier. Allez, allez, c'est parti. Oui. Ah, quand même. Quand même, quand même. Jean Jouzel, donc, réchauffement climatique... réchauffement des températures moyennes, ça entraîne une modification dans la manière dont la machine climatique fonctionne, donc changement climatique global, des modifications dans le régime des précipitations ici, etc. Donc on a des changements tout à fait globaux. On va vers quoi si on reste? Si on demeure, et après je viens vers vous hein, pour vous passer le micro et vous pourrez discuter directement avec Jean-Jouzel et Yann Kerr, mais là, on va vers quoi si on change au rythme faible auquel on change actuellement? Donc si on reste sur une trajectoire très émettrice, celle sur laquelle on est, nous sommes collectivement, hein, donc c'est ce risque d'aller vers des réchauffements importants à la fin du 21e siècle, à la fin de ce siècle, de l'ordre de 4 degrés en moyenne, et le climat ne serait pas stabilisé. Quand on parle de scénario émetteur, c'est un scénario dans lequel le réchauffement se poursuit pour atteindre 8-10 degrés au cours du 23e siècle. Donc c'est vraiment quelque chose auquel on ne pourra pas faire face. Déjà, 4 degrés... Qu'est-ce que ça veut dire, on ne pourra pas faire face, si effectivement on ne fait rien du tout jusqu'en 2100, 8-10 degrés au 22e siècle? Même si on... Par exemple, imaginez qu'on... Même si on ne parle que jusqu'à la fin de ce siècle, un réchauffement de 4 degrés en moyenne globale, c'est un peu plus en France, un peu plus l'été, c'est plutôt 5 degrés. Et quand on regarde la séquence des étés... En France, ce serait une moyenne de plus 5 degrés. Hein. Oui, plutôt l'été, en tout cas. C'est plus important. Ça vient particulièrement des données de Météo France, des modèles de Météo France. Et quand on regarde la séquence des étés, eh bien, on trouve des étés 7 à 8 degrés plus chauds qu'un été moyen, les trois mois d'été, hein, juin, juillet, août, 7 à 8 degrés plus chauds, pas tous les étés, mais certains étés, qu'un été moyen du 20e siècle. Et, on l'a vu dans le passé. Bah, 2003 qui nous a laissé quand même un souvenir assez caniculaire, c'était entre 3 et 4 degrés plus chaud qu'un été moyen du 21e siècle. Donc il faut imaginer qu'à partir à partir de 2050, pratiquement les étés doux, les étés cléments, seraient du type de ceux de 2003. Hein, et donc des réchauffements de 7-8 degrés, c'est quelque chose auquel il sera effectivement difficile de faire face. On a une capacité d'adaptation, mais elle n'est pas malléable à merci. Et c'est bien l'idée de ce à quoi les hommes politiques ont souscrit, c'est-à-dire que cette idée qu'il faut, bien sûr, on peut s'adapter à un réchauffement climatique, mais il faut, pour pouvoir s'y adapter, enfin pour l'essentiel, eh bien, il faut mieux limiter le réchauffement climatique. Et dans tous les pays de la planète se sont mis d'accord sur un objectif d'un réchauffement qui n'excéderait pas 2 degrés en moyenne globale. Et on a le temps d'y arriver à cet objectif de plus de 2 degrés seulement? C'est très difficile. C'est très, très, très difficile. C'est un véritable défi. Et moi, je donne toujours quelques chiffres. Si on veut respecter cet objectif de 2 degrés, ne pas dépasser 2 degrés, alors pas tout de suite, hein, mais disons à terme, il faudrait qu'on n'a plus qu'une trentaine d'années d'émissions, disons, d'utilisation de combustibles fossiles, pétrole, gaz naturel, charbon, au rythme actuel. Donc il faudrait stabiliser les émissions actuelles. Très rapidement, et qu'elles décroissent en fait. Et qu'elles décroissent. D'un facteur 2 à un facteur 3 d'ici 2050, et qu'elles continuent à décroître par la suite, disons, jusqu'à être peut-être dans certains scénarios négatifs, c'est-à-dire que la végétation, et là je me tourne vers Yann, ne puisse nous aider à absorber du gaz carbonique. D'accord. Voilà, donc c'est un véritable défi, mais techniquement c'est possible. Et c'est tout l'objectif de la conférence de Paris. Il faut à la fois augmenter... Quel lieu quand? C'est imminent. En 2015, en novembre 2015. Ouais. Donc voilà. Donc c'est d'avoir un accord ambitieux pour l'après 2020. Et puis entre la période de 2015 à 2020, il faut aussi remonter le niveau d'ambition. Alors techniquement, c'est possible, mais je ne vais pas dire qu'on en prend la route actuellement. On trouve toujours de bonnes raisons. C'est la crise. Voilà. On n'en prend pas la route. On n'en prend pas le chemin, dit M. Jouzel. Monsieur. Je voulais revenir sur la compréhension des échanges énergétiques. Dans les rapports du GIEC, on voit classiquement un schéma où on voit les échanges énergétiques au niveau du sol, le flux solaire, les pertes par conduction, par évaporation, c'est aussi des échanges énergétiques importants, et puis en balance de ces émissions au niveau du sol, évidemment les apports énergétiques, le flux solaire en visible et le flux infrarouge dû au gaz à effet de serre. Monsieur Jouzel, pour la bonne compréhension, quand tout à l'heure vous avez dit que le bilan, justement que vous avez parlé du bilan, vous avez cité la valeur de actuellement 239 watts par mètre carré par rapport à 237 watts. Là, les 2 watts par mètre carré que vous avez introduit, c'est l'effet uniquement de l'accroissement du gaz à effet de serre? Oui, ça c'est... Bon, alors il y a d'autres effets. Il y a effectivement... Qu'est-ce qu'on intègre dans ces 2 watts? Disons, l'augmentation de l'effet de serre joue pour 3 watts supplémentaires par mètre carré. Le problème, c'est qu'effectivement, est-ce qu'on part de 237, 238, 239, ça, c'est pas le problème. Ce qu'on sait bien, c'est que ça représente un peu plus de 1%. Mais il y a aussi d'autres phénomènes qui jouent, qui sont par exemple les aérosols, hein, qui ont tendance plutôt à contrecarrer. Les aérosols, c'est des gouttelettes. La pollution au sens trivial du terme. La pollution, d'accord. Ouais, donc des particules, etc. Oui, qu'elles soient. Ce qui est moléculaire. Et puis, il y a disons, il y a une spécificité pour les particules de sulfate parce qu'elles jouent un rôle de noyau de condensation et donc ça change les propriétés optiques des nuages et par là ça joue un rôle à la fois direct et indirect. Mais quand on regarde le bilan radiatif, il n'y a pas que l'effet de serre, il y a aussi d'autres effets et globalement, l'augmentation du forçage radiatif, c'est plutôt... Le forçage radiatif. Ouais, c'est ce qu'on a ajouté. C'est ce que nos activités ont ajouté en termes d'énergie par rapport à, disons, un niveau de base de 237 ou 238. Ça, c'est pas très grave. Donc, si on tient compte effectivement des autres processus que ceux liés au gaz à effet de serre, on est plutôt à un peu plus de 2 watts par mètre carré. On est à 3 watts par mètre carré avec l'effet de serre. Qui voudrait interagir avec Jean Jouzel, avec Yann Kerr? Moi, je viens jusqu'à vous, mais je viens à vous. Vous avez le micro. Oui, donc j'ai entendu dire que Mars aussi chauffait. Hein, donc je me demandais, est-ce qu'il y a des Martiens qui utilisent aussi des gaz à effet de serre sur Mars? Donc pouvez-vous me confirmer que la température de Mars s'élève? Non, c'est Vénus. Ah oui, non. Non, Mars. Non, là, je suis pas très spécialiste. Oui, Mars... Non, Mars, c'est plutôt froid quand même. Mais ça, c'est, oui, que la température bouge, c'est très possible sur Mars, parce qu'il y a en particulier des déplacements saisonniers de calottes glaciaires. Donc voilà, il y a... Mais... Donc là, j'ai pas de réponse précise sur le réchauffement de Mars actuel. Je sais que ça se discute. La question de M. Sanchez... Faut demander à François Forget, là. La question de M. Sanchez, c'est, voilà, est-ce qu'il y a des Martiens qui émettraient... Est-ce qu'il y a des Martiens? C'est un autre débat, est-ce que toute Sanchez. Élévation... Est-ce qu'il y a des Martiens? Ça, c'est une bonne, bonne question. Est-ce que toute élévation de température est due à l'augmentation de... Ah, mais non, mais bien sûr que non. Mais bon, pour répondre à M. Sanchez, il suffit de rester sur Terre. On peut rester les pieds sur Terre et dire que... et dire que, et c'est quand même ce qui m'a amusé toute ma vie, dire que le climat change en dehors de la, disons, le climat a toujours changé sur notre planète Terre. Il y avait des périodes beaucoup plus chaudes, des périodes pratiquement très très froides, des successions de périodes glaciaires, interglaciaires. Donc il y a pas à aller sur Mars pour voir que le climat change en dehors de toute activité humaine ou martienne. Hein, c'est très clair. La spécificité du réchauffement actuel, c'est qu'on est sur ce qu'on appelle la variabilité naturelle, se superpose ce qui est lié à l'activité humaine. Mais ça ne veut pas dire que l'activité, qu'il y ait une variabilité naturelle, elle est très très forte quand on regarde sur des échelles de temps très longues, y compris sur la Terre. Alors que là, on regarde sur des échelles de temps très courtes. Monsieur. Moi, j'ai une question sur ma perception, disons, de la chaleur envoyée par le Soleil. Enfin, alors, vu comme ça, j'ai l'impression parfois que le Soleil chauffe très fort, beaucoup plus fort qu'avant, disons, aux mêmes dates. Mais justement, j'ai l'impression que c'est le Soleil qui chauffe plus fort. Et c'est pas ça. Non, mais ça, on mesure ça. Ça se mesure. Donc, si on reste sur la même échelle, parce que c'est bien ça qu'il faut comparer, quand on parle de 3 watts par mètre carré ajoutés par l'effet de serre, c'est moins d'un dixième de watt par mètre carré sur lequel joue l'activité solaire d'un cycle de 11 ans. C'est-à-dire que le Soleil activité de 11 ans, c'est connu, et entre le pic et le plus bas, il y a un dixième de degré. C'est plutôt de l'ordre du dixième de watt par mètre carré à comparer à 3 watts par mètre carré. C'est bien pour ça que, bien sûr, le Soleil a du mal à... Et en plus, l'activité solaire a plutôt légèrement diminué en moyenne au cours des 3 derniers cycles. Donc c'est très très difficile d'expliquer le réchauffement récent par l'activité solaire qui a plutôt tendance à diminuer et que de toute façon ne varie que de l'ordre de dixième de watt par mètre carré. Le micro ici. Ah, madame. Bonsoir, j'aurais plutôt une question sur... On parle de l'eau, de la fonte, des calottes, etc., de la salinité. Quel est l'impact éventuellement sur les courants, par exemple le Gulf Stream? Est-ce qu'on aura un impact toutes ces questions sur le réchauffement liées plutôt aux effets visibles actuellement, qui est plus d'eau douce. Donc voilà, toute cette question-là, quel est l'impact qu'on aura par rapport à ça? Est-ce qu'on peut déjà le savoir déjà? Donc réchauffement, eau douce, eau salée. Donc oui, sur ce problème. Donc c'est bien de revenir à... moi j'ai eu la chance de participer au forage du Groenland, où on a vraiment, vu, de nos yeux vus, ces variations rapides du climat dans le passé. Est-ce qu'on peut s'arrêter une seconde sur ce forage du Groenland? Rappelez-nous son nom. Ça, c'était le forage Grip et Gisp dans les années 90, où vraiment, il y avait un peu des signes de variations rapides du climat, mais... dans tous les bons livres, on disait que le climat variait, certes dans le passé, mais de façon lente. Et tout d'un coup, il y a 20 ans, maintenant un peu plus de 20 ans, c'était en 92, on a vu que dans ces glaces du Groenland, au cours des 100 000 dernières années qui sont couvertes, il y a eu des variations extrêmement rapides du climat en quelques dizaines d'années, et même moins, et des variations au Groenland jusqu'à 10-15 degrés. Et cela, effectivement, l'explication, c'est l'arrêt et la remise, c'est très probablement l'arrêt et la remise en route du Gulf Stream. L'arrêt et la remise en route du Gulf Stream. À cause de l'arrivée d'eau douce, dans le passé, c'était vraiment un phénomène de, il y avait cette énorme calotte sur toute l'Amérique du Nord, deux fois l'Antarctique, il faut bien se rendre compte. Là, il y a quelques dizaines de milliers d'années. 20 000 ans, même. Toute la période glaciaire, il y avait des grosses calottes. Et disons, par moment, quand cette calotte grossissait, elle arrive sur le plateau continental, ça se déstabilise et on voit vraiment la trace de débâcles énormes d'iceberg. C'est équivalent, et il faut se rendre compte que c'est équivalent à 200 mètres d'eau, la quantité d'eau, 200, ça peut être équivalent à 1 million de kilomètres cubes, c'est-à-dire 200 mètres d'eau sur l'ensemble de la France métropolitaine. Il faut bien voir, c'est quand même assez impressionnant. Si on prend l'ensemble de cette calotte, qu'on la mettait sur... Non, ça c'est 1 million de kilomètres cubes, l'ensemble de la calotte a fait jusqu'à 50 millions de kilomètres cubes. C'était que 2% de la calotte, ça. Ah, donc, bien sûr. Mais donc, elles arrivent dans... donc ça change complètement la circulation océanique, parce que les eaux... Le Gulf Stream ne fonctionne que si, une fois arrivé dans le Grand Nord, Les eaux sont très denses et peuvent plonger. Ça veut dire dense, une eau qui plonge. Lourde, c'est quoi ? Plus lourde que les eaux qui sont en dessous. Donc c'est très sali avec. Alors sel, l'eau, elle est très salée si elle est froide, et puis si elle est, enfin l'eau est très dense si elle est froide et très salée. Mais si vous mettez de l'eau douce, disons l'eau de glace sans sel, c'est pas tellement le froid qui compte, c'est le fait que disons le mélange deviendra de moins en moins dense. Donc une eau salée et froide, ouais. Vous la qualifiez de dense, elle a tendance à plonger. Elle a tendance à plonger, simplement c'est la vie de tous les jours, elle est plus lourde que celle qui est en dessous, ça se passe comme ça. S'il y a la circulation océanique... C'est ça qui alimente des circulations. Au premier chef, hein. La gravité, oui, c'est quelque chose d'important. Il y a aussi d'autres phénomènes, mais c'est largement quand même ce qui régule. Si une eau est plus lourde, et c'est pareil dans l'atmosphère, si la pression est plus importante, les masses d'air se déplacent. Et notre science est relativement une science de bon sens. Bon, qui est lourd plonge, d'accord, j'ai compris. Et donc, à un moment, ça arrête de plonger, puis quand ça repart, c'est là où on a un réchauffement climatique très important. Et puis on a eu aussi un exemple il y a 8000 ans où il y a eu une énorme masse d'eau en période chaude, et là, ça a arrêté la circulation océanique, ça arrête le Gulf Stream, ça provoque un refroidissement dans nos régions. Parce que le Gulf Stream apporte de la chaleur hein, dans nos régions. Oui, de la chaleur, donc ça l'arrête, et quand il repart 20 ans après, on voit la température se mettre. Alors la question posée, c'est est-ce que ça peut arriver à l'avenir ? C'est-à-dire que le Gulf Stream s'arrête, hein ? Oui, alors là, actuellement, on voit peut-être un ralentissement, mais il y a une variabilité, c'est quand même pas très clair. On peut avoir un ralentissement du Gulf Stream d'ici la fin du siècle parce que les raisons d'arrivée d'eau douce dans l'Atlantique Nord sont effectivement la fonte du Groenland, comme vous avez dit. Il y a aussi le fait qu'il y a plus de précipitations. Par exemple, la fonte du permafrost, les rivières... Alors, le permafrost, qu'est-ce que c'est le permafrost ? Les sols gelés. Seul gelé en Sibérie, etc. En Sibérie, il y a de l'eau glacée qui est retenue là, il y a un réservoir d'eau glacée. Qui fond aussi, et puis... Donc il y a vraiment plus d'eau douce dans ces régions, aussi dans un climat plus chaud, ça s'évapore plus dans les tropiques. Et puis c'est cette eau-là qui fait des précipitations dans le Grand Nord. C'est une machine extrêmement compliquée quand même. C'est compliqué, mais on a quand même... Vous avez raison de se poser la question. Alors effectivement... Alors, le Gulf Stream s'arrête, qu'est-ce qui se passe ? Alors les modélisateurs se sont posé la question. Ça peut s'arrêter en combien de temps ? Là, si on tient compte de l'arrivée de l'eau du Groenland, de la fonte du Groenland, c'est plutôt 300-400 ans que fin du siècle. D'accord. Et puis, c'est pas du tout cette image d'Épinal d'un retour à l'ère glaciaire. Hein, simplement, admettons que nous soyons dans 300-400 ans à 4 degrés plus chaud qu'actuellement, avec l'espoir qu'on s'y soit adapté. Les températures dans nos régions reviendraient plutôt aux températures actuelles et puis repartiraient, quand le Gulf Stream se remet en route, quand les eaux se sont vraiment mélangées, repartiraient vers ces réchauffements. Donc ça serait extrêmement dommageable. Moi, j'ai cru comprendre que s'il n'y avait pas de Gulf Stream, on aurait des températures qui ressembleraient à celles de New York. C'est plutôt la côte est, la côte ouest des États-Unis. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Effectivement, il n'y a pas de courant équivalent au Gulf Stream. Donc ça joue. Il y a un autre phénomène qui joue chez nous et qui est que si vous regardez la chaîne de montagne, les rocheuses, elles sont nord-sud. Donc elles bloquent les flux d'ouest. Chez nous, c'est plutôt nos Alpes, elles sont plutôt est-ouest. Donc ça joue aussi. Mais le Gulf Stream est très important, moi qui suis breton, Yann Kerr aussi, alors. Oui, je pense. Hein. Avec un nom comme Yann ça, est certainement pas breton. Vive la Bretagne, j'ai entendu dire. Yann Kerr, juste un mot quand même sur cette salinité, parce que vous suivez ça depuis l'espace. Comment est-ce qu'on arrive à connaître l'humidité des sols depuis l'espace avec SMOS et la salinité des océans ? C'est un peu compliqué. On a compris que la salinité, c'est important pour tout ce qui est circulation océanique. Et la circulation océanique, elle distribue de la température et elle engloutit du CO2 au plus profond des océans. Donc elle a un rôle, hein, cette circulation océanique, dans le climat. Elle a un rôle très important que j'en viens de décrire. Hein. Puis elle joue sur beaucoup de choses. Elle joue sur les poissons, la pêche. Elle a tout un tas d'impacts qu'on a de la peine à mesurer comme ça. Et il faut pas oublier que la majorité de la population du globe vit près des côtes et est directement liée à ce qui se passe en mer un peu au large. Mmh. Alors on essaie de la mesurer de satellite. C'est une première. Donc comme je le disais tout à l'heure, avant de... donner des chiffres et des quantités, on va s'assurer qu'on mesure tout comme il faut et qu'on maîtrise bien le système, ce qui n'est pas évident. Et pour dire deux gros mots, ce qu'on essaie de mesurer, en fait, c'est la constante diélectrique des milieux. La constante diélectrique des milieux. J'y lis lentement. Donc, en fait, on regarde la manière dont la surface va émettre son énergie en fonction de sa température. L'énergie, en l'occurrence, c'est de la chaleur, hein. C'est, elle a une température, elle va émettre. C'est ça. Cette émission va être liée à son émissivité. Et cette émissivité est liée à la constante diélectrique. Donc, quand on change la quantité d'eau dans le sol ou quand on change la salinité des océans, on va modifier la température apparente de cette quantité quand on est dans le spectre des micro-ondes à basse fréquence. Oui, vous fonctionnez dans les micro-ondes. Hein. Donc, on va voir une diminution ou une augmentation de la température de brillance, la température apparente, qui est liée à l'accroissement d'humidité ou à l'accroissement de la salinité dans l'eau. D'accord. Bon, pas mal. Mais c'est un peu compliqué. Il y a plein de choses qui jouent. Et... Tout ça est très compliqué. Est-ce qu'il y a des résultats? On commence à voir des choses. Alors, on voit pas mal. Vous êtes dans l'espace depuis combien de temps? Ça fait un petit bout de temps, quand même. Ça fait 4 ans, presque 5. Ah oui, par exemple, donc, il faut beaucoup de temps pour arriver à... La mesure de la salinité est très délicate. Hein. On travaille avec une fraction de Kelvin, donc de degrés. Et la sensibilité de l'appareil, on est un peu dans cette gamme-là. Donc, le vent qui joue à la surface des océans va changer le signal. Il faut le prendre en compte, la température. Enfin, il y a un certain nombre de choses à corriger, y compris la réflexion galactique. La réflexion galactique ? Oui, parce qu'on travaille dans une fréquence parce qu'elle est protégée. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'émettre dans cette fréquence. Et elle est protégée parce que les radioastronomes ont demandé à ce qu'elle soit protégée parce que c'est la raie d'hydrogène et qu'on voit... un peu ce qui se passe dans les galaxies lointaines. Donc, c'est pour ça qu'on travaille là. Les galaxies lointaines émettent un rayonnement qui se réfléchit à la surface de l'eau. Il faut corriger ça aussi. Hein. Il faut corriger ce rayonnement. Il faut le corriger. On voit la voie lactée à la surface de l'eau. Donc, il faut faire tout ça. Mais malgré ça, on commence à voir, par exemple, des upwelling, donc les remontées d'eau. Des upwelling, des remontées d'eau, d'accord. Au large de Panama, qui n'étaient pas vraiment connues. Mais on soupçonnait qu'il se passait des choses là, et là, maintenant, on les voit bien. Donc les remontées d'eau, on a compris, hein, c'est toujours des histoires de salinité. Hein, de température, de salinité, ça va influer les précipitations sur le continent américain. Ouais. Et on commence à suivre avec un peu plus de précision ce qui se passe au niveau du fameux courant El Niño et La Niña. Parce que jusqu'à présent, c'est suivi en température de brillance, dans l'infrarouge thermique, la température physique. Alors attention, n'allez pas trop vite là, les mots techniques, là, on est en train de se perdre. Avant, on mesurait la température des océans. Et maintenant, on va regarder aussi un peu leur émissivité, donc leur salinité. Et ça donne des gradients beaucoup plus tranchés lorsqu'il y a des fronts. Donc, on arrive à mieux voir un peu ce qui se passe dans ces phénomènes donc de El Niño, La Niña et compagnie. Et surtout, le déplacement des précipitations liées à ces effets dans le Pacifique tropical. Donc, on commence à avoir des résultats. Alors, vous savez, Oui, monsieur, je vous en prie. Ah, je vais peut-être lui dire celui-là. Dans les précédents rapports du GIEC, on faisait allusion à des scénarios dont on pourrait imaginer l'évolution du climat. On regardait comment les civilisations allaient se comporter, etc. Scénario A1, B1, B2. Dans le dernier, on commence à voir apparaître d'autres scénarios qui sont des scénarios qui mentionnent des émissions en watts par mètre carré. Alors, est-ce qu'on va abandonner ces anciens scénarios qu'on a mis 10 ans à comprendre pour arriver vers un... Ou alors, que pouvez-vous dire sur l'apparition de ces nouveaux scénarios à 2 watts par mètre carré, 1,6 Alors pourquoi on a fait ça? Pourquoi? Et est-ce que c'est temporaire ou... Bon, moi, là, je suis un peu... Bon, je ne veux pas être provocateur par rapport... Il n'y a pas d'économiste dans la salle. Mais s'il y en a, c'est pas grave. Mais bon, effectivement, comme vous le dites si bien, jusqu'au quatrième rapport, ils existent toujours. Hein, c'est pas le problème. Les résultats sont toujours disponibles. On faisait des scénarios en fonction de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre, avec différents scénarios qui tenaient compte de l'évolution de la population, de la façon dont était produite l'énergie, dont était utilisée l'énergie également, du mode de développement urbain ou moins urbain. Donc c'était des scénarios avec plus ou moins d'émissions, en particulier les scénarios où la population mondiale augmentait le plus rapidement étaient effectivement ceux où les émissions augmentaient le plus rapidement. On a vu un petit... Bon, le problème avec ces scénarios, d'émissions, sur lesquels il n'y avait pas de contraintes climatiques... c'est qu'aucun, finalement, ne permettait de stabiliser l'effet de serre. Si vous demandez, disons, d'une façon naturelle, si vous demandez aux économistes, est-ce que vous voyez un monde dans lequel on peut stabiliser l'effet de serre, ils ne le voyaient pas. Les économistes trouvaient toujours des scénarios dans lesquels il faut augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi le faut-il ? Attendez, je ne vous suis pas. Eh bien parce que le développement tel que l'envisagent les économistes s'appuie largement sur l'utilisation du... Bon, il faut voir quand même que dans l'augmentation de l'effet de serre, chaque année, 80% sont liés à notre utilisation du pétrole, du charbon et du gaz naturel. Hein, c'est quand même 80%. Alors évidemment, il y a le méthane, il y a l'agriculture, mais le gros bloc, c'est bien l'énergie. Il y a un lien très fort entre énergie et climat, et il y a aussi un lien très fort entre énergie et développement. Hein, c'est très clair. Et donc, il faut changer de logiciel si on veut arriver effectivement à stabiliser, disons, nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a pris, à partir du cinquième rapport, une approche inverse. C'est-à-dire, on s'est dit, on va faire des scénarios, disons, dans le groupe des scientifiques, on va faire des scénarios où on impose, d'une certaine façon, l'évolution des gaz à effet de serre à travers le... Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est vraiment l'évolution des gaz à effet de serre, plus ou moins émetteurs. Et puis... On va mettre la balle dans le camp des économistes et on va leur demander qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour satisfaire ces scénarios. Donc on est parti de l'inverse, c'est-à-dire effectivement on impose des niveaux d'émissions puis on demande et ça c'est bien ce qui s'est fait. C'est-à-dire que par exemple c'est la réponse qui nous a été portée par les économistes par rapport au scénario. Disons peu émetteurs, qui permet effectivement de respecter cet objectif de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, eh bien, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faut... Alors, il y a deux ou trois choses qu'ils nous disent. Il faut, ce que je vous ai dit, diminuer les émissions entre 40 et 70% en 2050, continuer à les diminuer par la suite. Il faut faire... Alors, l'autre chose importante, il faut s'y mettre tout de suite. Alors, ça, c'est important. Plus on tarde, plus c'est difficile. La troisième chose importante, nous disent les économistes, c'est que ça coûte pas cher, contrairement à ce que tout le monde pense. Ça ne coûte pas cher. Mais non. Financièrement, vous voulez dire ? Je veux dire, globalement, en termes de développement économique, c'est 6 centièmes de points de PIB chaque année au niveau mondial. Si vous comptez 6 centièmes de PIB au niveau mondial. De points de PIB. C'est 0,06. Oui, et donc avec un PIB. Donc avec l'hypothèse d'un PIB. Oui, ben justement, avec l'hypothèse d'un PIB de 2% par an, on perd un an tous les 30 ans en termes de PIB. Ceci sans tenir compte des bénéfices de la lutte contre le réchauffement climatique en termes d'emploi et aussi en termes de qualité de vie. Donc il faut bien voir tout ça, c'est qu'il faut bien avoir en tête que c'est possible et que c'est pas du tout la fin. Bon, c'est un autre mode de développement, mais c'est pas du tout la fin de l'économie. L'économie ne sera pas par terre, c'est plutôt le contraire. Je crois que c'est plutôt en restant accroché au gaz à effet de serre, comme on le fait, disons, aux combustibles fossiles, qu'on ira dans le mur. On arrive, oh là là. Cher monsieur, à vous la parole. Merci. Je suis astronome et je voudrais rappeler quelques choses essentielles. D'abord, le CO2 n'est pas un polluant. C'est un gaz vital, c'est la nourriture des plantes. Et la croissance des plantes est proportionnelle à la teneur en CO2. C'est donc favorable à des récoltes abondantes. Il est donc lamentable de voir Greenpeace accrocher des panneaux comme celui-ci. Alors, je vais le décrire. Il est écrit CO2 kills. Voilà, c'est des panneaux de Greenpeace. Sur les échangeurs. Le CO2 tue. Ouais. Bon, deuxième point. Eh bien, il vient de paraître deux études, je précise, dans des revues à comité de lecture, qui ont confirmé ce que les astronomes soupçonnaient depuis déjà quelque temps, et que l'effet de serre du gaz carbonique actuel est saturé, et que l'augmentation de la teneur en gaz carbonique ne changera pas la température. C'est un point très important, parce que à quoi correspond la taxe carbone ou des choses de ce genre, hein, il faut quand même en tenir compte. Excusez-moi, il faut bien qu'on se comprenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que vous dites, c'est que ces études indiquent que le CO2 augmentant n'augmentera pas l'effet de serre. C'est-à-dire qu'on ne va pas garder encore plus de chaleur avec l'augmentation du CO2. Oui. D'accord. Donc, ça change complètement les points de vue. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes au courant de ces études, Monsieur Jouzel ? Monsieur Kerr. Je vais commencer et je laisserai la parole à Jean après pour les choses qui sont plus de son domaine. Moi, je vais juste dire que les histoires de carbone, etc., de la végétation qui croît, c'est bien joli, mais il y a des limites à la croissance de la végétation. Surtout que là, on parle quand même... Il y a deux choses. Il y a la végétation, sa capacité donc à fixer le CO2. Mais après, elle est obligée de le relâcher quand même, parce que la plante, il lui arrive des choses après qu'elle ait fini de vivre. Donc soit elle est brûlée, elle meurt. Donc le carbone qu'elle a stocké dans sa structure, elle est relâchée dans l'atmosphère. Ensuite, la plante, pour pousser, elle va utiliser du carbone qui est dans le sol. Et je vous rappelle quand même que dans la région parisienne, ici, les années de culture qui ont précédé notre période, ont complètement épuisé tous les sols, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement plus rien dedans. Et enfin, on fait des mesures donc dans la région toulousaine, mais sur les bilans de carbone des différentes cultures, et on s'aperçoit que si on fait le cumul de ce qui entre dans le... Enfin, la plante, elle va donc stocker du carbone qu'elle va prendre dans l'atmosphère par sa respiration, mais quand on regarde tout ce qui se passe point de vue entrant, intrant, ce qu'on met dans le sol, ce qu'on fertilise, l'utilisation apporte du carbone. Oui. Et l'épuisement des sols, donc, et puis là, tous les travaux agricoles qui nécessitent des tracteurs qui vont aussi utiliser du pétrole, plus le transport à la fois des fertiliseurs, etc., de leur lieu de production où ils sont produits en produisant du carbone. Donc on fait le bilan d'agriculture par type de céréales. Et là, on s'aperçoit que la végétation, du moins toutes les zones cultivées, dans la majeure partie des cas, ne stocke pas du carbone, mais en relâche plus que ce qu'elles n'ont stocké. Ce qui traduit bien le fait que le carbone qu'on relâche de l'atmosphère, c'est le carbone qui était stocké dans le sol et qu'on va remettre en plus du carbone existant dans l'atmosphère. On peut voir ça sur la page, vous avez un petit document là, qui s'appelle éco-bilan carbone. Donc vous voyez ça, effectivement, le bilan, quand il est rouge et vers le haut, ça veut dire que c'est du carbone qu'on relâche dans l'atmosphère. Alors, on voit ça avec le colza en 2005, la triticale qui est une céréale aussi, le blé d'hiver, le maïs. Voilà, le maïs, le bilan est très défavorable. Le maïs est un des, pas des pires, mais il n'est pas très positif. On produit beaucoup. En revanche, le colza, c'est pas mal. Monsieur Jouzel. Oui, d'abord, pour rebondir sur ce que dit Paul, il y a aussi un article qui est paru cette semaine dans Science, la semaine dernière, qui montre que certes, le CO2, l'augmentation du gaz carbonique peut être gentil pour les plantes, hein, c'est pas du tout, vous l'avez dit, ne tue pas les plantes, mais ça accélère aussi la décomposition du carbone dans les sols. Hein, donc c'est pas du tout autant gagnant qu'on peut le penser. Hein, c'est un point très important parce qu'on entend toujours ça, la nature fait bien les choses, donc il va y avoir plus de végétation. Mais simplement, il est clair que l'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère joue sur la décomposition des sols. Alors pour ce qui concerne, moi je ne suis pas spécialiste du bilan radiatif de la planète, donc il y a de très bons spécialistes dans notre institut et aussi à Toulouse, on pourrait en inviter un la prochaine fois, mais c'est clair que non, il n'y a pas d'article sérieux qui dise que... Bon, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas de saturation. Ce qu'il y a, c'est que, l'effet du CO2, pour pas parler avec des gros mots, croît de façon logarithmique. C'est-à-dire que entre un doublement et quadruplement de CO2, où la valeur actuelle, c'est simplement un facteur, qu'est-ce qui augmente de façon ça augmente moins rapidement. Qu'est-ce qui augmente? Si on multiplie, si on augmente Si on multiplie les quantités de gaz carbonique par 4 dans l'atmosphère, on ne multiplie pas par 4 le forçage radiatif lié au gaz carbonique. C'est logarithmique, ça croît moins vite. D'accord. Mais il n'y a pas saturation, comme le dit, il n'y a pas... Saturation, ça voudrait dire oui, que ça au bout d'une certaine quantité de CO2, il n'y aurait plus... Non, mais parce que ça sature. Mais l'important, c'est l'effet radiatif dans les couches de l'atmosphère où c'est justement pas saturé. C'est celui-là qui joue, c'est-à-dire dans les couches relativement élevées. Donc là, je ne suis pas spécialiste, mais c'est très clair. Bon, j'ai aussi discuté beaucoup avec François Gervais, y compris dans des débats, mais moi, je ne prétends pas. Donc, il faut inviter des gens comme François-Marie Bréon, par exemple, qui était dans ce groupe. Voilà. Donc, mais il n'y a pas d'article sérieux qui dise que disons, l'effet du CO2 sature. Non, son effet est moins important que l'augmentation de sa concentration. Tout de même, d'accord. Une question de monsieur. Néanmoins, sur ce sujet, je dirais que chaque gaz de l'atmosphère a sa pente d'absorption en fonction de la température, donc en fonction de la température d'émission, puisque le spectre infrarouge, ça est lié aux températures d'émission. Maintenant, donc, si on a le climat qui évolue peut-être sur des températures un petit peu plus hautes, on bouge la température d'émission, le spectre, est-ce qu'on reste toujours dans la bande d'absorption du CO2? Parce qu'on sait qu'il y a des bandes. Voilà, pour participer au débat. Et c'est justement ça, le déplacement des bandes qui fait que c'est pas linéaire. Donc c'est justement ce déplacement. Mais moi, je suis pas spécialiste, mais vous avez raison de dire que... Plus. Mais tout ça, c'est pris en... Donc, je veux dire... Là, il y a plein d'équipes dans l'Institut, et je vous dis, qui travaillent là-dessus. Bon, c'est vrai qu'il vaut mieux, si vous voulez discuter de ça, sur du forçage radiatif, mais c'est bien justement ce déplacement des bandes qui fait que ça... Alors, vous nous avez apporté quelques documents, et je proposais qu'on les regarde ensemble. On peut regarder celui-là, par exemple, qui a été apporté par Jean Jouzel, celui qui s'intitule « Les activités humaines modifient la composition de l'atmosphère en gaz ». Ah, effet de serre, hein, je suppose. Voilà, c'est celui avec les trois carrés jaunes. Est-ce que vous voulez bien le décrire, Jean-Joseph? Qu'est-ce que ça dit, par exemple, un document comme celui-là? Donc, on a, par exemple, le premier carré jaune à gauche, c'est le gaz carbonique. Donc, le carré principal, ce sont les 10 000 dernières années. Alors, on voit les 10 000 dernières années. Par exemple, sur le carré de gauche, vous voyez en haut, il y a écrit 10 000, 5 000 et 0. C'est-à-dire que là, c'est l'échelle longue. Oui, donc là, on mesure les quantités de gaz carbonique dans l'atmosphère dans le passé à partir des glaces polaires. C'est pour ça que j'aime toujours bien cette approche. Parce que les glaces polaires ont emprisonné... Les bulles d'air. Donc des bulles d'air. Plutôt mes collègues de Grenoble qui mesurent, mais on travaille ensemble là-dessus. D'accord. Et donc, on fait des carottages jusqu'à quelle profondeur? Jusqu'à là, on a, par exemple, on a des enregistrements de gaz carbonique, de méthane et aussi d'oxyde d'azote sur 800 000 ans. Actuellement. 800 000 ans, d'accord. Ouais. Donc sur 800 000 ans, on a une idée des concentrations de CO2 dans l'atmosphère. Et c'est la première fois qu'une augmentation aussi rapide et importante survient. Donc le 800 000 ans, ouais. L'insert montre un peu le détail sur les 200 dernières années. L'insert, alors ce que vous appelez l'insert, c'est ça, à l'intérieur du carré jaune, le rectangle gris-brun. Ouais. Ça montre les 200 dernières années. Et ce qu'on voit, la partie rouge, c'est la partie où il y a eu des mesures directes dans l'atmosphère. Depuis 1958, il y a, disons, Ralph Killing et puis d'autres maintenant qui mesurent directement la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Ça, c'est depuis entre 50 et 60 ans. Et avant, ce sont les données issues des glaces polaires. Vous voyez qu'elles se raccordent parfaitement. C'est ça. Et ce qui est étonnant, c'est l'impression, par exemple, quand on regarde les carrés jaunes, donc effectivement, c'est les 10 000 derniers milliers d'années, à gauche, les gaz carboniques, au centre, le méthane, à droite, le protoxyde d'azote, ce sont trois types de gaz à effet de serre. Et on voit vraiment que, arrivé à l'ère industrielle, c'est incroyable. Comment on a un mur, une espèce de mât, là, qui se dresse d'un seul coup. Oui, aux échelles de temps géologiques, c'est ce qui se passe actuellement, est à l'échelle de temps de vie humaine et non pas aux échelles de temps géologiques. C'est ce qu'on essaye aussi d'illustrer à travers ce graphique. Aux échelles de temps géologiques, il y a eu des variations, mais elles sont beaucoup plus lentes. Pratiquement, vous voyez, il y a eu, au cours des 10 000 dernières années, il y a eu des variations des concentrations de gaz à effet de serre, mais très lentes. Et le démarrage de ce qu'on appelle maintenant l'Anthropocène. C'est une nouvelle ère. Oui, enfin, ça, elle n'est pas encore baptisée officiellement. C'est pas une ère encore. Ah, oui. Ça pourrait, mais enfin, d'accord. Le baptême n'est pas encore complètement. Mais enfin, on va attendre quelques millions d'années pour l'idée, ça. L'idée, c'est quand même que beaucoup de gens ont du mal à accepter, c'est-à-dire que. intuitivement, on pense que ce monde est tellement infini qu'on ne peut pas modifier ses propriétés. Mais ce qu'on fait actuellement, quand même, c'est bien justement, on a sous les yeux un monde qu'on est en train de modifier. Et ça, il faut savoir l'accepter. Alors, si on tourne la page, on arrive à ce document-là. Vous voyez les deux courbes, là, simulation avec forçage naturel seulement. Et simulation avec forçage naturel et anthropique, qu'est-ce qu'elles disent ces deux courbes ? Donc si vous regardez à gauche, donc dans les deux cas, le noir ce sont les données, hein, les températures planétaires depuis 1860. Donc ça ce sont des températures, hein, oui, en noir. Vous voyez, donc avec une échelle, donc c'est par rapport à la moyenne. Alors actuellement on prend comme référence 1960-1990, c'est par rapport, le zéro correspond à cette période. Et donc, il y a le réchauffement des 50 dernières années est bien marqué. Si vous tenez compte... Bien marqué, parce qu'on voit, là, à partir de 1960, on voit qu'on a une élévation là, des températures en noir. Et par contre, si vous tenez compte, alors, si on tient compte simplement, disons, de ce qui est lié au volcan et de ce qui est lié au soleil... Donc ça, c'est à gauche. À gauche, eh bien, on n'explique pas le réchauffement récent. On n'explique pas, c'est-à-dire qu'on voit effectivement une dichotomie entre le rouge et le noir. Le noir, voilà. C'est ce qu'on observe, rouge, c'est ce qu'on devrait avoir s'il n'y avait pas d'hommes sur Terre. Oui, c'est de l'ordre du dixième de degré, sauf les événements volcaniques qui provoquent un refroidissement assez court. Et puis, à l'inverse, si vous tenez compte à la fois de ça, c'est à droite, c'est le rectangle de droite. De ce que fait la nature, mais aussi de ce que font les activités humaines. Alors, dans les activités humaines, il y a l'effet de serre, mais aussi les aérosols, la pollution. Eh bien, on arrive à quelque chose de tout à fait satisfaisant. Ça dépend du point de vue. Le scientifique est peut-être content parce que les deux courbes se recoupent. Disons de satisfaisant dans l'explication. Voilà, c'est ça. Oui, il faut continuer dans l'explication du réchauffement récent. C'est ça. Et il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres arguments. C'est-à-dire que, par exemple, si c'était l'activité solaire qui était à l'origine du réchauffement récent, eh bien, on observerait un réchauffement sur l'ensemble de la colonne d'air. Aussi bien les hautes couches de l'atmosphère que les basses couches de l'atmosphère devraient se réchauffer. Or, si c'est l'effet de serre, il y a un effet de compensation. C'est-à-dire que, disons, le problème de l'effet de serre, c'est que, disons, ça réchauffe à la base, mais disons, à basse altitude, ouais. Ouais, et puis, bon, bien sûr, il y a, disons, par contre, ça refroidit plus haut. Eh bien, ce qu'on observe, c'est effectivement que les hautes couches de l'atmosphère se refroidissent. Hein, ça, c'est une signature très claire du rôle de l'effet de serre dans le réchauffement climatique. Donc là, on a des courbes qui semblent indiquer, pour vous, voilà, la réalité d'un forçage anthropique, donc du fait qu'on a effectivement une influence de l'homme. On va peut-être passer tout de suite à cette... Yann, il va la commenter, parce qu'elle intéresse, là. Alors, on va regarder donc Europe. Alors voilà, cette image-là, vous savez, les quatre... on a le globe, enfin c'est l'Europe en réalité, avec ces quatre images, les deux rouges et puis les deux vertes et marron. Yann Kerr, une autre certitude, le climat va continuer à se réchauffer. Les deux images d'en haut, ce sont les images des températures. Et les deux images d'en bas, ce sont les images des précipitations. Exactement. Donc ça, c'est la fin du siècle par rapport à 2000. Donc là, qu'est-ce que ce serait 2100 par rapport à 2000 ? Alors, je découvre les images presque en même temps que vous. Ah oui, c'est une petite colle de Jean-José. Je vois que sur la partie gauche, la colonne de gauche, on a la partie hiver. Et la partie donc de droite, c'est la partie été. Alors, ce qu'on voit, en fait, c'est la répartition des réchauffements. On s'aperçoit que nos hivers seront probablement plus doux. Donc, les hivers, c'est les deux... c'est la colonne de gauche, hein, si je puis dire. Oui. En haut à gauche, oui. Donc, les températures, c'est en haut. Les températures sont en haut et les précipitations au-dessous. Donc, des températures peut-être plus douces, mais des précipitations plus élevées, donc en hiver. Donc, pour la France, c'est ça que vous voulez dire? On peut regarder la France. Ouais. On peut appliquer à l'ensemble de l'Europe sans souci. Et sur le plan de l'été, évidemment, on s'aperçoit qu'on va avoir des étés plus chauds. Donc, c'est ce qui était évoqué tout à l'heure par Jean, hein, 4 degrés sur le sud de la France, par exemple, ou plus. Et donc, ce qui correspond à la canicule qu'on a eue il y a quelques années. Et en contrepartie, on s'aperçoit qu'il y a un gros déficit de précipitations qui se passe sur la partie sud, le pourtour méditerranéen, on va dire. En presque été, hein, été encore, comme ouais, hiver. Pire, ouais. Oh, ouais. Été comme hiver. D'accord, sauf qu'en ouais, été, vrai. Ça remonte un peu plus. Donc, ça veut dire une ressource en eau qui va être de plus en plus difficile. Et tout à l'heure, on parlait de la végétation qui stocke le carbone. La végétation, pour qu'elle vive, il faut qu'elle ait de l'eau. Hein. Si elle n'a pas d'eau, elle ne vivra pas, donc il n'y aura pas de stockage de carbone. C'est, c'est un peu... C'est automatique, oui. Automatique. Un commentaire, Jean-Joseph ? Non, non, c'est bien, mais je pense que c'est ça que les satellites suivent la biosphère, donc c'est très important. On a vu effectivement en 2003, il y a un exemple remarquable. L'été 2003 était extrêmement, l'absorption du carbone a été extrêmement mauvaise, effectivement. Ouais. Donc, je veux dire, le lien est très clair. On va tourner la page et puis aller là avec. Ça s'appelle anomalie de température moyenne annuelle entre 1900 et 2013 parce que à l'échelle de la France. C'est les questions qu'on nous pose souvent. Alors, ouais, mais d'accord, mais chez nous. Chez nous quoi ? Chez nous, il ne se passe rien. Mais si, justement. je peux vous montrer. Chez nous, c'est en France, oui. Oui, en France. Donc, vous nous parlez du monde, ce n'est pas le problème. Donc, la France, on peut regarder aussi. En France, les réchauffements sont plutôt plus importants que la moyenne globale. Hein, en termes c'est vrai. Oui, bien sûr. Depuis 110 ans, c'est à 9 dixièmes de degré au niveau planétaire. Et là, vous voyez que c'est plutôt entre les années 60. 50, 60, où c'est plus froid que la moyenne, et puis les années, 2010, il y a largement un degré d'écart. Ça, c'est très étonnant, ce qui se passe depuis 1990. Oui, toutes les années, dans le rouge, là. Pratiquement toutes les années sont plus chaudes que la période de référence. L'année la plus chaude en France a été 2011. Donc vous voyez, c'est pas comme au niveau planétaire. Au niveau planétaire, c'est 98, plutôt 2000. Donc 2012 a été très chaud. Donc il y a des différences d'une certaine façon, d'une local. Année sur l'autre, il y a des différences entre. C'est pas toujours l'année la plus chaude au niveau planétaire qui est la plus chaude en France et inversement. Par contre, le réchauffement est bien là également en France et très marqué. Très marqué ce réchauffement. On va aller regarder la dernière image. Elle est intéressante aussi. Ça c'était bon, c'est un peu plus pour le bon, c'est un peu le ça montre un peu le défi auquel donc la France organise donc bon, le GIEC, que fait le GIEC? C'est simplement notre objectif, c'est de donner aux décideurs politiques les éléments pour prendre leurs décisions. Mais on leur dit pas ce qu'il faut faire. On leur dit si on émet plus de gaz à effet de serre, le réchauffement sera plus important et inversement. Donc la France, disons que là où les décisions politiques sont prises ou censées être prises, ce sont ce qu'on appelle les conventions climat. Donc c'est chaque année, à la fin de l'année. Là, cette fois, ça sera en novembre. Alors il y a des conférences très symboliques, comme celle de Kyoto en 1997, celle de Copenhague en 2009. L'an dernier, on n'a pas beaucoup parlé, c'était à Varsovie. Et là, la France organisera la conférence 2015. Cette année, c'est au Pérou, à Lima. Et l'an prochain, c'est une conférence très importante parce que, pour le moment, on est à la deuxième phase du protocole de Kyoto, c'est-à-dire entre 2012... Le protocole de Kyoto qui est un accord de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Qui, dans sa deuxième phase, il n'y a que l'Europe qui est impliquée réellement. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'Europe respecte ses... Non, l'Europe, on espère qu'elle respectera. Elle a pris des engagements de diminution de 20% de ses émissions de gaz à effet de serre. Alors, ça, c'est inscrit... À quel horizon ? 2020. 2020, oui. Par rapport à 2001. Non, par contre, après 2020, c'est le grand vide. Il n'y a rien du tout. L'idée de la conférence de Paris, c'est de mettre sur pied pour l'après 2020. Alors, il y a un double objectif. Mettre sur pied pour l'après 2020 un accord qui permette de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et l'idée de ce graphique, c'est de vous dire que vous voyez là, États-Unis plus... États-Unis plus Chine, c'est 40%. Donc, faut bien dire ce que c'est que ce graphique. Donc là, on parle d'émissions de gaz carbonique. Alors, les émissions de gaz carbonique, c'est 80% de l'augmentation de l'effet de serre. Donc c'est très important. C'est très important. C'est les gaz à effet de serre. Et dans ces émissions de gaz carbonique... Et là, c'est le growth rate, donc c'est... c'est la somme totale. Ça, c'est le growth rate. Mais là, disons, 27% actuellement sont émis par la Chine, 14% par d'accord. Donc 27%, c'est la Chine. Hein. Ouais. 27% des émissions. Des émissions, c'est la Chine. 14%, donc elles croissent plus vite, mais ça, c'est... Donc 14%, ce sont les États-Unis. Donc il y a 40% des émissions qui sont Chine et États-Unis. Et donc on comprend bien, c'est un peu pour marquer le défi, on comprend bien que si on veut avoir un accord qui ait un sens pour l'après 2020, il faut absolument que la France entraîne la Chine et les États-Unis. Et ce n'est pas gagné d'avance. Bon, même si Obama a des beaux discours depuis quelques jours et si la Chine se préoccupe de son futur climatique. D'accord. Et vous avez de bon espoir qu'effectivement il y ait un accord qui soit trouvé et que les pays s'engagent là à moi, Paris en 2015. J'aimerais bien, je suis moi-même, enfin je suis Vous êtes un observateur. Pas mal engagé. Non, je suis plus qu'observateur. Oui, je suis dans le comité de pilotage. On se réunit. Donc le comité de pilotage, donc sous la houlette de Laurent Fabius, qui normalement, dont on pense qu'il sera, disons effectivement le négociateur en chef, le président de la COP. Bon, je m'y investis, mais je manque. L'optimisme n'est pas, disons, atteindre des objectifs ambitieux tels que ceux qu'il faudrait atteindre. Et sera très très difficile. Mais j'aimerais bien que ça soit le cas. Je cache pas que ça serait vraiment. Je donne toujours un chiffre pour qui va vous montrer la difficulté encore plus que tout. Pour que on reste en dessous de 2 degrés, il faut pas qu'on utilise plus de 20% des ressources disponibles de combustibles fossiles. Hein. Donc vous voyez donc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut en laisser 80% ? Oui. Faut laisser, vous voyez faut laisser, que le secteur, il suffit de comprendre que le secteur du fossile, disons, si on ajoute, il faudrait laisser terre le 80% du pétrole, 80% du gaz, 80% du charbon. Oui, du gaz. Et ne pas y toucher. Alors qu'on sait bien que nous sommes des. Des civilisations avides. Ça vous montre un peu la difficulté du défi, puisque d'une certaine façon. Je dirais que le secteur sans jeter la pierre, le secteur du fossile n'est pas du tout préparé à cette contrainte, à cet objectif. On entend toujours, on utilisera jusqu'à la dernière goutte de pétrole. C'est toujours ce qu'on entend. Mais ça, c'est pas compatible avec l'objectif climat. Madame. Bon, avec les variations d'acidification des océans, le Gulf Stream. Et on peut se demander s'il n'y aurait pas un moyen artificiellement de rabaisser la température et de soigner ces problèmes d'élévation de température. La technologie Yann Kerr, vous avez une idée ? Pardon. Qu'est-ce qu'on peut faire là pour Il n'y a pas des mesures drastiques ? Comme ça, je n'ai pas d'idée. Alors moi, j'en ai entendu des idées. Ouais, Alors, j'ai entendu une idée spatiale. Vous la connaissez sans doute. Yann Kerr. L'idée de déployer dans l'espace une grande voile qui ferait écran au Soleil. Et puis, en bougeant ce satellite qui tournerait autour de la Terre, il suffirait de... Comment dire ? On pourrait le bouger un petit peu, déployer la voile plus ou moins pour réduire de quelques dixièmes de pourcents ou de quelques pourcents, finalement, la quantité de chaleur qui arriverait jusque sur la Terre. Oui, alors il y a aussi un projet chez les Japonais. Oui, je vous en prie. On va passer en revue quelques trucs. Hein. Il y a un projet chez les Japonais d'avoir des capteurs solaires en haute altitude qui focalisent le rayonnement solaire vers des endroits où il serait transformé en énergie. Une fois, on m'a dit qu'on pourrait couvrir le Sahara de panneaux solaires parce que comme ça, on récupérait de l'énergie dans les endroits où il n'y a rien qui pousse. Des idées comme ça, il y en a. Hein. Le coût économique, je ne connais pas. Mais alors celui, par exemple, Jean Jouzel, l'idée de mettre une voile comme ça dans l'espace entre le Soleil et nous. J'entends que c'est malheureux. Il semble que c'est pas réaliste. Par contre, ce qui est réaliste. Qu'est-ce qui est pas réaliste là ? C'est pas faisable ou c'est qu'on ne sait pas à quelles conséquences on arriverait ? Non, je pense que c'est pas faisable. Économiquement, c'est pas faisable. J'entends. Bon. Par contre, ce qui est moins cher et plus dangereux. Il y a aussi un problème de gouvernement. Oui, parce que si on réussissait à mettre une voile dans le cosmos et à limiter une partie du rayonnement solaire, il y aurait des problèmes de gouvernance. Hein. Mais bon, oui, c'est pas simple. Mais admettons que ça marche. Gouvernance, c'est-à-dire quelle sera la taille de la voile, combien est-ce qu'on réduit, à qui on prend le soleil. Oui, à qui on prend le soleil. Voilà. Moi, j'aimerais bien avoir plus de soleil pour mon agriculture. Non, mais retombe par terre. Mais voilà. Donc, il y a plus de difficultés. Moi, je vois plus de difficultés et plus de risques dans l'idée de. Donc d'utiliser des aérosols du type de volcan qu'on mettrait... Alors attendez, parce qu'effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, mais rapidement, quand les années à volcan, si je puis dire, il y a beaucoup d'aérosols, donc de poussière qui sont dans l'atmosphère, et du coup, ces poussières, elles font écran au rayonnement solaire, et du coup, on a des années moins chaudes à la surface de la Terre. Ouais, alors, donc, il y a eu des personnes qui ont imaginé, il y a même un prix Nobel, je crois, qui a imaginé. Paul Crutzen. Paul Crutzen, voilà, ouais. Qui a imaginé disperser. C'est pas vraiment lui qui a imaginé, mais disons, son raisonnement, c'est qu'il vaudrait mieux que ce soit les scientifiques qui utilisent ça, qui étudient ce problème, que de le laisser à des charlatans. C'était sa première démarche. Ah, d'accord. Mais le problème, il est quand même très clair. Si on fait ça, même si ça marche, ça modifie la chimie de l'atmosphère, avec des risques sur l'ozone, ça modifie aussi les précipitations, mais surtout si on, pour une raison quelconque, et il y en a beaucoup auxquelles on peut penser, hein, géopolitique ou bien simplement environnementale, on est obligé d'arrêter ces injections. Hein, il faut toujours augmenter de plus en plus si on veut contrer l'effet de serre. Il faut mettre de plus en plus, et si pour une raison quelconque on doit arrêter, eh bien il y aurait un refroidissement de quelques degrés en une dizaine d'années, et ça serait plus dramatique. Éthiquement, c'est vraiment impensable, c'est-à-dire c'est laisser une vraie bombe climatique à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est-à-dire. Donc on oublie, d'accord. Et on oublie pour une autre raison, ça ne règle pas le problème de l'acidité de l'océan, puisqu'on si on laisse le CO2 augmenter, l'océan continuera à s'acidifier. Donc oui, effectivement, ce sont des choses qui sont évoquées, mais moi je pense que je viens de finir un livre dans lequel j'ai dit que c'était une fausse bonne solution. Alors, garder une expertise, c'est un peu par exemple ce que souhaite faire Olivier Boucher, qu'un pays garde une expertise. Olivier Boucher, c'est qui? Je connais pas. C'est un Français qui est très intéressé, un chercheur français de l'IPSL, qui est très intéressé par la géo-ingénierie. De chez vous? Oui, il y a eu pas mal de réflexions. Il y a pas mal de réflexions en France. Il n'y a pas du tout d'expérience faite en France. L'idée, c'est quand même que c'est bien qu'un pays garde une expertise, un œil sur ce qui se passe qui se pourrait se faire. Voilà. C'est quand même jouer à l'apprenti sorcier, essayer de résoudre une solution en créant un autre problème. Je pense que ce ne sont pas vraiment les voies à suivre. La tour Montparnasse. Pour moi, c'est un petit bungalow. La meilleure des places, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. Moi, je veux habiter dans les plus hautes couches de l'atmosphère. Il y fera frais, alors construisons vers la lumière. Madame. Est-ce qu'on connaît quelques effets positifs du réchauffement climatique? Alors, elle est bien celle-là. Ça me plaît. Alors. Je laisse parler Yann sur la gueule. Alors, j'ai un effet positif, moi. C'est que les vendanges ont lieu de plus en plus tôt. Ouais, mais c'est pas terrible. Et donc, on a le vin de plus en plus vite. Le Beaujolais nouveau, oui, mais... Le Beaujolais nouveau arrive plus vite chaque année. Ah bon, sérieux, excusez-moi. Sérieux, excusez-moi. Non, je pense qu'à terme, justement, un des problèmes, c'est vrai ce que dit Paul, hein, les dates des vendanges ont augmenté 3 semaines à peu près sur tous les vignobles français. En combien de temps? Depuis 50 ans. En 50 ans, 3 ouais, semaines, 3 on semaines, gagne 3 semaines. Ouais, enfin, ça peut... Ça, c'est accessoire, dit madame. Non, c'est pas accessoire, parce que ce sont plutôt... Non, ce sont des problèmes très rapidement, à échéance de quelques dizaines d'années, pour les vignerons français. Hein. Disons, les AOC vont être complètement... risquent d'être bouleversés. C'est pas du tout anecdotique. Bon, moi, je pense que le seul effet positif, c'est celui que va évoquer Yann, malgré tout, c'est l'augmentation des rendements agricoles dans les zones boréales. Ah, vous connaissez bien Yann Kerr, vous connaissez bien il est certain qu'on va avoir probablement un accroissement des rendements dans les zones boréales, ça intéresse beaucoup certains pays. Lesquels, par exemple? Le Canada et la Russie, par exemple. Ouais, ouais. Par contre, il va se passer d'autres choses à plus basse latitude. Donc des pays qui sont connus pour être froids vont pouvoir faire de l'agriculture, c'est ça? En Sibérie, on va faire pousser des choses, etc. C'est l'histoire de la vigne. Hein. C'est pas anecdotique de dire que la vigne va remonter. C'est tout qui va remonter. Va remonter en latitude. On a vu que la date de floraison des arbres fruitiers dans la vallée du Rhône, on suit leur évolution aussi d'année en année vers le nord. Et ça veut dire que les cultures vont migrer... les zones fertiles et agricoles vont migrer vers le nord. Par contre, Méditerranée et Sud, il y en aura de moins en moins. Or, il y a beaucoup de gens qui vivent là. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y a une époque où on a développé la formule de réfugiés climatiques. C'est des gens qui n'auront plus de quoi subvenir à leurs besoins, là où ils vivent, et qui vont bouger. pour aller croûter, quoi. Et on va aller là où il y a des... Donc ils vont peupler la Sibérie, où il n'y a pas grand monde. Et le permafrost, s'ils font, ça a quand même d'autres conséquences. Hein. Le permafrost, c'est cette couche glacée. Hein, c'est le pergélisol en français. Le pergélisol en français, oui. Donc c'est les zones qui sont gelées toute l'année actuellement. Et si elles se mettent à revivre, donc à dégeler, tout ce qui se passe dedans, toute la forêt, va recommencer à vivre, à respirer. Les bactéries qui sont dans le sol. Et elles vont aussi participer aux émissions au niveau du sol, la respiration. Donc ça, c'est pas positif. Hein. Au contraire, c'est très négatif. Pour le dire vite, c'est... Certains prennent pour un point positif, disons, la fonte de la banquise. La banquise, c'est la glace de mer qui couvre l'océan Arctique. Elle est minimale fin septembre, hein, donc puisqu'à la fin de l'été. Cette valeur minimale était de 8 millions de kilomètres carrés au début du XXe siècle, et maintenant plutôt autour de 4. Et, 4 au lieu de 8. En cas de réchauffement climatique, et ça correspond à ce dont on entend, l'ouverture du passage du nord-ouest, du nord-est, c'est-à-dire au-dessus du Canada et au-dessus de la Sibérie. Ces passages risquent d'être ouverts. Alors certains voient dans l'ouverture des routes maritimes un effet bénéfique. Ça encore peut-être, mais c'est un peu... Pour le commerce. Oui, c'est ça. Oui. Ça va augmenter le développement, donc ça va augmenter les... Oui, mais il faut voir que ce sont des routes qui ne seraient ouvertes que tout état de cause qu'un ou deux mois de l'année, hein, parce que cette banquise se reforme l'hiver. Ensuite, il y a l'effet plus pervers, c'est que ça ouvre l'accès à de nouvelles ressources. Alors, si c'est des ressources minérales, c'est très bien, mais effectivement, ça augmente... on a vu ces exploitations de pétrole, de gaz dans ces mers arctiques qui commencent avec beaucoup de risques. Donc certains voient ça comme un effet positif. Moi, je vais beaucoup en Sibérie et quand je fais les conférences sur le réchauffement climatique, c'est vrai que c'est un peu dur de leur dire « oui, ok, hein, donc je le fais ». Mais il faut bien se rendre compte qu'il y a très très peu d'effets positifs du réchauffement climatique. C'est tout un problème d'adaptation, c'est-à-dire un réchauffement climatique rapide et important, on ne pourra pas s'y adapter où qu'on soit finalement. Et quel que soit le niveau de technologie. Alors madame, Jean-Joselle et Yann Kerr vous ont répondu, la réponse est non. Hein. Oui, on arrive. Ouh là là. Cher monsieur. Oui, j'ai une toute petite question. J'ai entendu tout à l'heure... Messieurs Jouzel et Kerr dire que le niveau de la mer montait de 3000 mètres par an, il faudra encore préciser par rapport à quoi. Mais j'ai ici le document du CNES, Espace et Environnement, qui dit le niveau des océans s'est élevé d'un peu plus de 3 mm entre 1993 et 2003. Ça fait du 0,3. Ça fait 10 fois, 10 fois moins ou 10 fois, ouais. Ou 10 fois plus, oui. Alors, qu'est-ce que c'est? On dit n'importe quoi, non? Ah, vous êtes pris en flagrant délit, là. Alors, on rappelle les chiffres. Le niveau de la mer est suivi depuis quelques temps maintenant, donc depuis le lancement du premier satellite qui a permis de le mesurer, qui s'appelait Topex Poséidon. Ensuite, il y a eu Jason 1, Jason 2, maintenant Jason 3. Ils ont des altimètres. Qui mesurent la hauteur des océans. Alors, comment ils le font? C'est très compliqué, puisque évidemment, dans les océans, il y a les courants qui vont changer localement la hauteur. Il y a les marées, bien sûr, qui vont changer la distribution des mains. Donc, on se réfère par rapport à un géoïde qui est en fait une sorte d'équipotentiel de la Terre. Donc, on a une référence. Et ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que cette élévation, c'est pas quelque chose de linéaire, c'est quelque chose qui change. Et qu'on est actuellement dans une phase où l'accroissement de la hauteur de la mer se fait de manière de plus en plus rapide. Ensuite, le chiffre qu'on a cité tout à l'heure, c'était un chiffre qui correspondait à une perte de masse de l'Antarctique sur une période donnée de un an, avec l'implication simplement au niveau du volume d'eau qui était relâché dans l'océan. Il est évident qu'il y a deux autres phénomènes qui vont jouer sur la hauteur des océans. D'abord, il y a l'évaporation de cette eau qui va retourner dans l'atmosphère, une partie d'entre elles. Et ensuite, il faut bien voir qu'une partie de l'élévation du niveau de la mer est liée à l'élévation de la température qui va provoquer une dilatation volumique. Comme tous les corps. La même quantité d'eau à une température plus élevée prend plus de place, un volume plus élevé. C'est pour ça qu'elle est plus légère. À une température plus inférieure, ouais. Oui, c'est comme tous les corps, ils se dilatent avec la chaleur. Et donc voilà, donc il y a tous ces effets qui entrent en jeu et il faut pas trop mélanger les choses. Les chiffres font à chaque fois référence à un phénomène ou à une mesure, un élément, et il faut pas trop mélanger les choses qui se parlent pas entre elles. Monsieur. On parlait tout à l'heure de vignes et on peut remarquer que les vins ont tendance, pas seulement les températures, mais les vins eux-mêmes ont tendance à monter en degrés. Parce qu'on a remarqué que beaucoup de... Non, mais dans beaucoup d'endroits, il y avait des vins qui faisaient 12,5, 13 et qui font 14, ce qui n'est pas forcément quelque chose qui peut se poursuivre à l'infini. Et en effet, il va y avoir vraisemblablement une remontée vers le nord des zones de vignes, ce qui fait que les Anglais qui aiment bien acheter du vin à Bordeaux, ils vont finir par pouvoir le faire eux-mêmes. Je m'amusais à dire qu'il y aura un jour un Newcastle du Pape en un Angleterre. Un Châteauneuf du Pape, un Newcastle du... Newcastle of the Pope. Et, sachant que non seulement les plantes évoluent, mais le reste de l'activité biologique suit, et on risque d'avoir de plus en plus de moustiques, d'autres bestioles parfaitement sympathiques, qui remonte en même temps que le changement de végétation. Vous avez tout à fait raison. Hein. Donc, bon, l'augmentation du degré alcoolique de l'alcool du vin est liée bien sûr à des températures plus élevées qui favorisent la formation d'alcool. Mais bon, il ne faut quand même pas non plus là tout mélanger. Nos spécialistes en vin, maintenant, répondent à une demande de la clientèle et augmentent petit à petit le degré alcoométrique du vin par des procédés qui leur sont propres. Donc il y a ça. Alors oui, c'est dramatique si le vin remonte en Grande-Bretagne parce qu'il y aura moins de whisky. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup plus. Mais vous avez raison. Pour nous, la menace, bon, outre le fait ce dont on a parlé tout à l'heure, hein, une désertification, une aridification au sud. Donc on s'aperçoit, enfin dans le sud de la France, la ressource en eau devient quelque chose de plus en plus délicat à gérer. On est plus souvent en condition de pénurie qu'autrefois. Qui dit pénurie d'eau, dit donc mauvaise récolte, etc., dit aussi que l'eau est d'autant plus mauvaise, hein, d'autant plus polluée, puisqu'il y a l'effet de dilution qui ne joue pas. Et qui va avec ça, bien sûr, c'est le déplacement de tous les insectes, tous les petites maladies qui prolifèrent dans un certain degré hygrométrique et température et qui vont suivre le climat. Donc ça, c'est clair. On commence à voir, par exemple, des maladies comme la malaria qui remontent de manière sûre vers nos régions. Et il y en a d'autres. Monsieur. Bonsoir. Ma question concerne les régions polaires et plus particulièrement ces derniers temps l'Antarctique qu'on entend parler dans l'actualité qui se réchaufferait. Et donc, alors qu'il y a une dizaine d'années, j'en entendais pas trop parler, je l'avais étudié. Et donc, je voulais savoir, est-ce que c'est les images satellitales qui ont progressé, donc on a plus de données, qu'on est en mesure de mieux calculer les proportions, ou est-ce que c'est une aggravation constatée, disons, des glaciers qui coulent plus rapidement vers la mer de Ross. Et donc, c'est peut-être le point chaud. Personnellement, j'avais connu quelqu'un qui était commandant d'un navire, qui a commandé le Marion Dufresne et qui est l'Antarctique à Dilly, peu importe. Il m'avait dit, dans les régions boréales, ça a vraiment beaucoup changé, au Groenland. Vous en étiez le témoin, monsieur Jouzel. Et donc, je voulais savoir si l'Antarctique était, comme à l'époque, dans les régions le Groenland, était un tournant, en fait. Voilà. Oui, donc deux points. Il y a quand même une caractéristique de l'Antarctique qui est un peu différente de l'Arctique. Quand on parle de diminuer, par exemple, si on regarde la glace de mer autour de l'Antarctique, elle a plutôt légèrement augmenté. Ça, c'est vrai. C'est lié très probablement à l'océan. Alors maintenant, donc par exemple, l'hiver dernier, il a été, comme vous évoquez, la Terre AD, il a été très très difficile. Il y avait beaucoup de glace de mer l'an dernier, l'été dernier, c'est-à-dire l'hiver pour nous, il y a 3 ou 4 mois, hein, novembre dernier, il a été pratiquement impossible d'accoster en Terre Adélie parce qu'il y a pas mal de glace de mer. Donc d'une année sur l'autre, ça varie. Mais quand on parle de cette fois des glaciers intérieurs, ce sont des phénomènes récents ce qu'on a beaucoup parlé cette semaine, les glaciers de Pine Island, de Thwaites, ce qu'a déjà dit Yann et il va commenter, ces diminutions importante. Non, c'est relativement récent. Et c'est vraiment lié. Bah, c'est lié au fait que les, disons, les ice shelves, c'est-à-dire ces grandes, dont ils ont tendance à diminuer et donc à moins freiner l'écoulement des grandes calottes. Oui, j'ajouterais juste que l'historique des satellites, maintenant, les premiers ont commencé à faire des mesures à la fin des années 70, au tout début des années 80, c'était les séries Nimbus et autres. Et maintenant, on commence à avoir un historique assez long qui nous permet de nous affranchir des variations d'une année à l'autre et commencer à voir vraiment les tendances. Et ensuite, ce qu'on voit, donc c'est ce que vient de dire Jean, c'est qu'il se passe actuellement un phénomène, une sorte de bascule. Les choses se passent de manière beaucoup plus rapide et tranchée que ce qu'on voyait avant, sans que je crois qu'on ait l'explication finale de ça. Mais c'est une constatation. On voit dans les faits qu'il y a une accélération de ces processus. Avant de reprendre les questions, je vous propose de faire un petit tour dans le petit cahier là qu'a apporté Yann Kerr. Donc c'est celui qui s'intitule Éco-bilan carbone. Et on va regarder un petit peu toutes les pages et les documents que vous nous avez amenés, Yann Kerr. Donc le premier, c'est Ouragan Sandy 2012. Donc je suppose que là, ça permet d'illustrer typiquement ce qu'on peut faire avec un événement cataclysmique comme celui d'un immense ouragan aux États-Unis, ce que permet l'espace finalement. Alors qu'est-ce qu'on voit là ? Plusieurs choses. J'ai essayé d'illustrer, moi, dans les quelques planches que j'ai préparées, des choses que maintenant on voit depuis l'espace et qui concernent la vie de tous les jours, qui sont parfois liées donc à l'évolution de notre climat. Donc là, c'est simplement un orage. Vous avez tous entendu parler de l'ouragan Sandy, donc, qui a frappé la région est des États-Unis en 2012. Et on a essayé de suivre ça avec le satellite en temps presque réel pour voir ce qui se passait. Et donc, ce qu'on a suivi, c'est les choses très classiques. Hein. C'est la petite image qu'il y a en haut à gauche avec les images de nuages qu'on peut faire avec les satellites type géostationnaire. On voit cet ouragan qui se propage. On voit ensuite la trajectoire de l'ouragan dans la mer, parce que vous savez qu'il peut prendre de la force ou en perdre en fonction de la température de l'océan. Et donc, on peut suivre sa trajectoire. Et après, on a regardé les mesures météo de pluie cumulée, et puis une petite image là qui n'apparaissait pas, où on avait mesuré la vitesse du vent sur l'océan. Et les images du bas montrent... Donc, la pluie cumulée, c'est l'image à droite, là. Ouais. Et on voit effectivement qu'il y a... Tout ce qui est rouge, évidemment, c'est davantage de pluie. C'est ça. C'est là où les pluies atteignent des niveaux très élevés. Et en bas, ben, on voit l'évolution de l'humidité superficielle des sols sur cette zone au fur et à mesure que l'ouragan arrive sur les terres et donc les inondations importantes qui ont eu lieu autour de New York. Là, on arrive à suivre... L'évolution des... Et après, la manière dont l'eau se redistribue. L'évolution des inondations. On va tourner la page avec la page qui s'intitule... Possibility to anticipate risks. Qu'on voit là ? Alors là, c'est l'Australie. C'est l'Australie, c'est le continent derrière. Australien. Ouais, c'est des mesures qui ont été faites par satellite en tout début 2011, pendant le mois de janvier. Fin 2010, il y avait eu des grosses inondations, comme il en arrive souvent en Australie, avec ces sortes de pluies de mousson. Donc toute la partie nord-est de l'Australie avait été passablement inondée. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être. Et à ce moment-là est arrivé un ouragan qui s'appelait Yasi, qui arrivait sur l'Australie. Et là, l'idée, c'était de voir si on pouvait être en mesure de donner une indication quant à au risque d'inondation qui serait lié à cet ouragan. Donc là, il y avait déjà des inondations. Il y avait des sols qui étaient plus ou moins saturés en eau. Alors, c'est ce qu'on voit dans la photo qui est derrière. Hein, tout ce qui est bleu et vert, ce sont des sols qui sont déjà saturés en eau. Saturés en eau, et plus c'est jaune et blanc, moins c'est saturé en eau. Alors, quelle est la question avec Yasi ? Si Yasi arrive, qu'est-ce que ça va Alors, ce que voulait savoir le bureau de météorologie américain, australien, c'était où arriverait cet ouragan, où se produiraient les grosses précipitations. Si c'est sur un sol humide, ça veut dire nouvelles inondations, donc éventuellement voir si on peut évacuer la population. Ou si ça arrive sur une zone sèche, est-ce que le sol arrivera à absorber toutes ces eaux ? Donc là, il y a une décision ensuite, j'allais dire politique, hein, enfin en tout cas opérationnelle, qu'il va falloir prendre pour le décideur politique. Exactement. Ouais. Donc on a suivi avec les collègues du bureau de météorologie. Ils nous donnaient la trajectoire de l'ouragan. Là, c'est la figure qui est indiquée sur la partie gauche, où on voit l'endroit où il est prévu qu'il atteigne le continent. Et nous, on a regardé sur nos images les zones la plus sèche, et vous voyez qu'il arrive à peu près dans la zone la plus sèche. Donc bonne nouvelle, vous avez pu rassurer de ce point de vue-là. On a pu les rassurer et en fait il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a juste du côté de Proserpine qu'il y a eu quelques petites inondations et ça correspond bien aux zones qui étaient humides. Donc ça c'est pour montrer que d'une part, bon, on n'entre pas dans le débat là, de l'augmentation des événements extrêmes, etc. Mais c'est pour montrer que l'outil spatial peut nous permettre peut-être d'arriver à mieux appréhender les risques et aider à mieux gérer ces épisodes catastrophiques. D'accord. On va tourner la page et on arrive à la carte SMOS Drought English Index. Donc ça, le drought, c'est la sécheresse. Sécheresse. Donc on dérive, on fabrique une sorte d'indice de sécheresse qui nous donne une idée du besoin en eau des régions. Donc là, on voit par exemple que toute la partie du Texas est affectée par une sécheresse, donc qui s'est passée en août 2011. Et puis on voit aussi un peu la partie ouest des États-Unis qui est affectée. Bon, ça en soi, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, sauf que ça maintenant, grâce aux satellites, on est capable de le faire sur la majeure partie du globe. Et actuellement en Afrique, il y a deux centres opérationnels à Niamey et à Nairobi, qui utilise des données pour établir ce sort d'indice de sécheresse pour avoir une meilleure anticipation de la qualité des récoltes, enfin de ce qu'on pourra obtenir. C'est le taux d'humidité, demande monsieur. Oui, le taux d'humidité dans le sol, mais cumulé par rapport à ce qui est la norme. C'est-à-dire on compare à la norme. Comment on est positionné par rapport à l'habituel pour la période et la zone. D'accord. Parfait. Tournons la page. On arrive à la gestion de l'eau. Ce sont des données spot qu'on voit. Alors ici, c'est une autre étude qu'on fait et qu'on fait maintenant tourner en routine dans le sud-ouest de la France. Et l'idée, c'est la végétation pour pousser a bien sûr besoin d'eau. Et l'idée, c'est de voir comment l'eau disponible va être adéquate pour certaines cultures en fonction des forçages atmosphériques, du type de sol et de ce qui pousse. Et là, on voit, il y a un petit... Sur la partie gauche, il y a... deux années 2002 et 2003 avec donc, une sur la partie gauche en bas oui 2002-2003 avec une forte sécheresse en 2003 donc on voit sur la partie tout à fait en bas le besoin d'irrigation des cultures. Alors attends, on va rester quand même en bas à gauche. Donc 2002-2003, qu'est-ce qu'on voit là, qu'est-ce que c'est, les images? 2002 est une année relativement normale. Les petites images dans les petits carreaux. Et on voit le besoin d'irrigation, c'est-à-dire le besoin d'irrigation. La quantité d'eau qui est à l'intérieur, là, des petits carrés rouges. Alors, sur les petits carrés rouges, dans les petits carrés, on retrouve le parcellaire. Ah oui, sur les parcelles. Selon les cultures, le maïs, par exemple, va avoir besoin de plus d'eau qu'une jachère. Donc, la parcelle de maïs, à un moment donné, pourra avoir besoin de plus d'eau. Donc, on voit le besoin en eau des cultures. Ça, c'est le besoin en eau des cultures. On voit qu'en 2002, il n'y a pas un gros besoin. On reste toujours dans les bleus et noirs. Par contre, en 2003, une année plus chaude et plus sèche, on a un besoin d'eau qui apparaît à partir de juillet-août, plus important. Donc, si on se remet maintenant dans l'hypothèse du changement climatique, d'un réchauffement, etc., on s'aperçoit qu'on aura plus en plus de zones où il aura plus besoin d'eau pour assurer la croissance de la végétation et des cultures, et donc forçage sur le besoin, sur la ressource. Et le petit schéma qu'il y a au-dessus montre l'évolution de la courbe du maïs. Donc là, c'est un indice, disons un indice de végétation. Et on voit l'évolution au cours de l'année, hein, de mois en mois. Donc au début, il se passe pas grand-chose. Puis le maïs commence à pousser. En 2002, ça se passe bien. Oui, la courbe bleue. Et il pousse, il atteint son plateau, il fait sa fructification. Puis après, il y a la sénescence, on récolte et il n'y a plus rien. Donc ça, c'est la courbe normale, celle de 2002. En 2003, il y a une sécheresse. On s'aperçoit que ça commence assez bien. Il fait beau et chaud, donc il commence à pousser assez vite. Il pousse bien, là, oui. Et puis, il arrive à un moment, il arrive au moment où lui, il a besoin de pratiquement 7 mm d'eau par jour, et il n'y a pas l'eau. Il va commencer à péricliter, et donc à mourir, avant d'avoir atteint le niveau de fructification. D'accord, donc ça, c'est des cartes, hein, des études que vous pouvez mener, vous, grâce à vos données satellitaires. Oui, et puis, bon, il y a aussi de la modélisation, et il y a aussi, bien sûr, des... Ouais. Connaissance du milieu. Alors à droite en haut, autre carte, besoin en eau juillet 2002 pour le blé, maïs, le tournesol de soja. En juillet, ça, on voit aussi, hein, c'est des parcelles et on voit quels sont les besoins en eau en millimètres. Ouais, et ça, c'est utilisé maintenant par les chambres d'agriculture pour essayer d'optimiser un peu la ressource en eau ou de piloter les pratiques culturelles. D'accord, voilà quelques exemples de ce qui peut se faire pour... gérer tous ces problèmes liés au climat, les anticiper, les observer. Monsieur, une question. Moi, je voulais revenir à un phénomène physique important qui est ce qu'on appelle l'albédo. Donc, en définitive, c'est le rayonnement solaire déjà à la base, qui atteint le sol, et on sait évidemment que le flux est plus important à l'équateur que dans les latitudes plus basses. Donc l'énergie qui arrive et aussi qui est stockée est beaucoup plus importante déjà à ce niveau-là. Et après, on sait que, aussi bien par les océans que par l'atmosphère, cette énergie est transférée par à la fois les courants océaniques, surtout apparemment dans l'équateur et les basses latitudes, et puis l'atmosphère plutôt dans une latitude plus haute. Voilà. Donc la question que je pose, et puis je m'interroge, parce qu'on met souvent en avant dans les réchauffements climatiques l'impact des gaz à effet de serre globalement, bon, donc l'effet de l'atmosphère, les gaz infrarouges, tout ça. Quel pourrait être l'impact de l'évolution de l'albédo, en fait, qui pourrait s'expliquer par l'évolution de l'exploitation des sols sur les continents? Bon, sur les océans, on fait pas de culture sur les océans, à ma connaissance, mais sur les océans, on pourrait aussi évoquer des variations des courants. On sait que dans les océans, des énormes tourbillons qu'on appelle les gyres, ces tourbillons participent à des transferts d'énergie parce que c'est très turbulent. Bon, voilà les questions un peu que je pour ouvrir le débat là-dessus. Très bien, merci. Bon, je vais essayer de commencer à répondre. L'albédo, bien sûr, c'est quelque chose de très important. Ça caractérise la quantité d'énergie qui va être réfléchie et donc qui ne sera pas utilisé au niveau de la surface. Alors déjà, il faut bien se rendre compte que il y a l'albédo qui correspond à celui qui est à couche superficielle, qui est lié au nuage, donc ce qui repart très loin. C'est aussi l'albédo de la surface. Ouais. Oui, la haute atmosphère, donc c'est réfléchi assez vite. Et puis il y a celui en surface. Et là, bien sûr, on s'aperçoit que, bon, il y a eu à une époque, vous savez, les histoires de... Si l'albédo augmente, il va avoir plus d'énergie réfléchie, mais donc il fera moins chaud, ce qui est très joli en principe, mais il faut pas oublier qu'il y a de l'eau aussi dans le sol et que l'énergie sert à évaporer l'eau qui abaisse la température. Ensuite, l'activité humaine provoque des aérosols qui se déposent. Ces dépôts, bon, je passe complètement sur le fait que dans l'atmosphère aussi il joue un rôle, là, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais si vous prenez un exemple tout bête d'une glace, d'un beau glacier, en temps normal, il est bien blanc, il réfléchit, il ne chauffe pas beaucoup. Par contre, s'il y a de la pollution, et ça se retrouve de plus en plus, donc des particules qui se déposent, il devient noir, donc il chauffe beaucoup, donc il fait fondre encore plus l'eau. Donc il y a toute cette série de phénomènes en cascade qui vont agir les uns avec les autres. Et le bilan radiatif de notre globe, on le connaît maintenant assez bien, on s'est relativement bien mesuré. On connaît l'albédo global de notre planète. Au niveau de la surface, c'est pas aussi bien connu, mais c'est quand même pas mal connu. Et là, on peut voir, selon les régions, que l'évolution de notre surface liée à l'activité humaine provoque dans certains cas donc des abaissements de l'albédo. Le sol devient moins réfléchissant. Et donc... Quand on enlève les forêts, demande monsieur. Alors, quand on enlève les forêts, on fait beaucoup de choses. Il y a eu à une époque des grosses expériences qui consistaient à dire que si on rasait l'Amazonie, il se passerait ceci ou cela. Je ne sais pas si ça vous fait des allusions. Ce qu'on oublie, c'est que notre terre, elle est vivante et il se passe beaucoup de choses. C'est-à-dire que si on coupe tous les arbres, il se passe d'autres choses. Et la première chose qui se passe, c'est qu'il ne pleut plus du tout de la même manière. Ensuite, l'albédo, oui, elle change. Et la quantité d'eau pompée dans le sol en profondeur, elle n'est plus la même. Les eaux de ruissellement deviennent plus importantes. Donc, il y a tout un système qui se met en place et qui, lui, va beaucoup dépendre des conditions, topographie, type de sol et profondeur des sols qui, eux, à chaque fois, vont donner lieu à des conséquences différentes. Mais quand vous décrivez tout ça, Yann Kerr, Jean-Joseph, finalement, vous la connaissez, cette machine climatique, vous êtes capable de voir ça au niveau global, au niveau local, vous êtes capable de nous dire, voilà, si on rase l'Amazonie, qu'est-ce qui se passe, etc. Enfin, vous avez des idées, en tout cas, vous voyez comment fonctionne la machine climatique. Est-ce qu'il y a 10 ans ou 20 ans en arrière, on pouvait avoir ce niveau de détail dans la description de la machine climatique, ou est-ce qu'on a énormément appris sur, sur Alors, elle. Je vais juste répondre ouais, deux mots avant de laisser parler. Je réponds pour Yann, moi. Sans les satellites, on ne saurait pas grand-chose. Non, mais est-ce que cette machine climatique, on a quand même une... On la connaît de plus en plus finement. On quand la même, connaît, mais on est encore loin de tout comprendre. Ouais. C'est ce que j'ai essayé de répondre au monsieur. On connaît les phénomènes élémentaires, mais après, il y a le vivant derrière. Il y a tout un tas de choses qui se passent qu'on ne sait pas toujours maîtriser. Un sol, il va se comporter de telle manière s'il est plat et profond. Il va se comporter d'une autre manière s'il est peu profond et en pente. Il va y avoir un ruissellement qui va peut-être éroder les premières couches de sol qui vont donner lieu à des emports d'aérosols plus importants de la surface. Donc vous voyez les mécanismes et vous demandez comment est-ce qu'ils fonctionnent ensemble. Ce qu'on essaye de comprendre maintenant, c'est d'avoir justement de comprendre un peu mieux cette machine dans sa totalité et dans les différents cas. Donc les satellites aident un peu, la modélisation aide un peu, et c'est surtout petit à petit on arrive à mieux comprendre les différentes boîtes. Mais on a encore du chemin devant nous. Encore du chemin. Bon, on va bientôt se quitter. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une dernière question avant qu'on se quitte? Alors moi, j'en ai peut-être une dernière quand même. On a finalement assez peu parlé des solutions. Alors on a vu le chemin qu'il faut prendre. Il faudrait réduire assez drastiquement. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'interprète, nos émissions de gaz à effet de serre. Comment est-ce que vous imaginez qu'on puisse y arriver? Parce que là, on est quand même au bord de la Seine. On voit des pays, on voit des voitures. Comment vous imaginez les choses à 30 ans? Si on veut avoir une conduite un peu plus vertueuse, il faut moins de voitures. Comment est-ce que vous imaginez les choses? Oui, donc au niveau global, aller vers une société sobre en carbone, ce qu'évoque le GIEC, c'est effectivement beaucoup d'efficacité énergétique, on va retrouver. Alors l'efficacité énergétique, c'est-à-dire on garde les mêmes services, mais en utilisant moins d'énergie, d'accord. Par exemple, les lampes, les ampoules, basse consommation. Il y a plein de choses à faire. Ensuite, au niveau le GIEC, c'est beaucoup quand même les énergies renouvelables qui pourraient, à horizon 2050, peut-être, si on le décidait, si on avait volonté... Si on s'en donne la peine. Subvenir à, c'est pas à 50% de notre énergie, électricité plus chaleur, mais il y a aussi le nucléaire qui est évoqué, et puis aussi le piégeage et le stockage du gaz carbonique. Donc ce sont tout un ensemble de méthodes. Alors comment est-ce qu'on le stocke, le gaz carbonique? À la sortie des usines productrices d'électricité? Une usine à fuel ou à charbon, une centrale, plutôt qu'une usine, dans ce cas-là, à fuel ou à charbon, on peut piéger le gaz carbonique. Et ça marche, parce que c'est... Du point de vue expérimental, il y a quelques expériences vraie grandeur, mais on est loin du compte et on est loin de processus vraiment industriels. Il y a aussi des problèmes d'acceptabilité. Il y a eu une expérience de fait, en vraie grandeur en France du côté de Lac, et ça n'a pas été... c'était juste en dessous des vignes de Jurançon, et ça a posé quelques problèmes. Parce que l'idée, c'est quand même Parce que l'idée, c'est quand même de stocker le CO2, de l'injecter, si je puis dire, dans des couches géologiques. Oui, dans les couches géologiques, il faut être sûr qu'il ne ressort pas du tout, parce que même s'il ressort au rythme de 1 pour 1000 tous les ans, ça peut poser problème. Donc c'est pas simple, mais c'est une voie qui est quand même évoquée. Alors au niveau... Vous parlez de la technologie, Au niveau français... On a l'impression, à vous entendre, que ça va être indolore. On peut très bien, du point de vue économique, on peut très bien imaginer, c'est un mode de développement différent, mais on peut certainement imaginer un développement, du point de vue emploi, du point de vue, c'est plutôt des relocalisations d'emplois, l'efficacité énergétique. On peut très bien imaginer, d'ailleurs on l'imagine, un monde qui se libère progressivement et si possible rapidement des combustibles fossiles et qui continue à se développer. Je ne veux pas parler de décroissance. Le fait d'utiliser moins... besoin de décroissance. Non, mais bien sûr. Alors, si on commence à parler de décroissance, c'est tout le problème. Il y a eu le débat en France nationale sur la transition énergétique. J'étais aussi très, très impliqué. Et ça a buté sur quoi? Ça a buté sur le fait que la France qu'on envisage, et c'est inscrit dans la loi, ça peut paraître de 2005, la France qu'on envisage en 2050, on consommerait moins d'énergie. Alors, les gens disent tout de suite, on consomme moins d'énergie, donc on arrête de se développer. C'est pas du tout vrai. Évidemment, vous consommez moins d'énergie, vous avez un peu moins de PIB lié à l'énergie, mais c'est pas de la décroissance, parce que disons les services qui sont rendus avec des façons intelligentes d'opérer sont largement de même qualité ou de meilleure qualité. Vous avez à comprendre que depuis que le monde est monde, la croissance était directement liée au niveau de à la quantité d'énergie consommée. C'est resté inscrit, Paul, dans tous les neurones. C'est vrai ou pas? Jusqu'à présent, c'est vrai, mais on peut changer... On peut changer deux choses. D'abord, on peut effectivement, avec l'efficacité énergétique, on peut changer ce paradigme, c'est-à-dire que, faire les mêmes choses avec un peu moins d'énergie. Et puis, bien sûr, la façon dont on produit l'énergie est aussi, évidemment, si on la produit avec ou sans effet de serre, c'est quand même différent. Mais il faut aussi agir sur l'agriculture, voilà. Un dernier point, Yann Kerr et puis Jean Jouzel. Non, mais quand même, j'aimerais bien savoir ce que vous, pour se quitter, personnellement, est-ce qu'il y a des choses que vous faites? Parce qu'il y a le niveau global et puis il y a le niveau individuel. vous m'avez dit, Jean-Jouzel, que vous alliez en Sibérie souvent. Ben, l'avion, c'est pas bien. À l'avion, c'est pas bien. Qu'est-ce que je fais? Je vais me défendre, mais Yann, tu parles d'abord. Allez, Yann Kerr. Bon, ben, d'abord, une petite image, à mon avis, pour illustrer ce que vient de dire Jean. Hein. Imaginez qu'on est dans une voiture, on descend une belle pente, et on ne sait pas trop ce qu'il y a au bout, mais il y a peut-être la mer, ou une falaise. Et on a deux actions, soit se dire « je vais de plus en plus vite, c'est super », soit se dire « et donc se mettre un beau petit masque sur les yeux pour pas voir où on va », ou alors se dire « je vais de plus en plus vite, je sais pas où je vais aller, il faudrait peut-être que je réfléchisse un peu à trouver des solutions alternatives ». Donc c'est un peu ce qu'il évoquait. Alors ce que je fais, moi, comme beaucoup de gens, j'essaye, la première chose, c'est d'essayer de consommer moins, c'est pas très compliqué. On peut facilement consommer moins. Alors je consomme toujours trop, on voyage, je suis venu en avion aujourd'hui pour venir ici. C'est pas idéal, mais bon, dans la vie de tous les jours, on utilise de plus en plus les visioconférences, téléconf. Moi, personnellement, je ne me déplace qu'à vélo. Bon, j'ai la possibilité de le faire, mais c'est peut-être pas possible à Paris, je sais pas. Mais, ou transport en commun, hein, il y a les transports en commun. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire. On n'a pas besoin de se chauffer à 21 chez soi, on peut se chauffer à 16. Chez moi, la température, le thermostat est sur 16. Ah, c'est pas chaud, 16. Je suis pas mort, hein, je suis en parfaite santé. 16. Et Marie-Claude Siron qui dit 18 quand même, 18. Non, c'est 16. Ah, chez Yann Kerr, c'est 16. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire qui facilitent la vie. Enfin, s'il fait froid, on met un pull de plus. À Toulouse, il ne fait pas souvent 16, si, quand même. Je vais dans les Pyrénées aussi, mais je mets un pull de plus. Et puis voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire pour éviter. Puis après, il y a la fuite en avant. On s'aperçoit qu'on est happé dans un système où il faut toujours aller vers le nouveau truc, vers le dernier gadget. On a de plus en plus de jetables. Combien de gens parmi vous refusent le petit sac en plastique quand vous achetez une cochonnerie? On n'a pas besoin de sac en plastique. À la pharmacie. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut faire. Alors, ça a l'air bête et écolo et stupide. Mais je pense que déjà, si on commence par ça et on prend un peu conscience de ça et qu'on apprend à nos enfants à faire un peu attention, on fait un petit pas en avant. Puis après, il faut réfléchir aux vrais problèmes, aux vraies solutions, là, ce dont parlent les gens. Hein, Alors Jean-Jouzel, en Sibérie, vous allez à vélo comme Yann Kerr? Oui, à chaque fois qu'on se déplace, c'est pour le GIEC, on se déplace, on est allé au Yokohama, oui, on va en avion, ça c'est pas bien. Mais autrement, j'essaye aussi de faire, en région parisienne, c'est RER et métro, un peu de bus, mais surtout RER métro. Donc ça, je connais bien le RER B, je suis un grand spécialiste, et c'est pas terrible, il y en a ici aussi, bon, ça va. donc, oui, on habite. Moins et on a quand même, on a une maison très très bien isolée, par exemple. C'est votre cas? Oui. Il fait 16 chez vous ou... Oui, mais on chauffe pas beaucoup. Non, elle est très bien isolée. On a une pompe à chaleur dans le sol. Ah oui, géothermique. Voilà. Ça, c'est bien, la géothermie. Par exemple, on a mis des panneaux solaires. Là, par exemple, on a tout arrêté. C'est-à-dire que l'eau chaude, pendant 5 mois, va venir simplement de 2 panneaux solaires. Donc, on a besoin. Donc, oui, c'est des petits gestes qu'on fait. Mais bon, on fait des choses. Oui, ça m'intéresse de voir comment on peut optimiser une maison. Donc ça, on fait tout ça. J'essaye, oui. Mais c'est jamais suffisant. Mais Yann a raison. Les petits gestes, je rappelle toujours en France que, disons, la moitié des gaz à effet de serre qu'on émet sont liés au transport... au domestique, hein. Disons, dont la façon dont on se déplace et la façon dont on se comporte chez soi, hein, dont on se chauffe. Donc c'est quand même, quand on dit, donc par les petits gestes, chaque matin, par la façon dont on va se comporter, les choix qu'on fait, on peut quand même jouer sur la moitié des émissions, hein, c'est pas rien du tout, donc je dis pas qu'on va les éliminer, mais en tout cas, je pense que tout ça, ça compte, mais c'est pas suffisant, il faut aussi, les États, les entreprises doivent y trouver leur compte, donc c'est tout le monde qui doit s'y mettre, mais au niveau individuel, on peut aussi faire quelque chose. Quand vous achetez à manger, il faut tout manger. La nourriture est très énergétivore. Voilà, et la viande de bœuf... jeter de la nourriture. Oui, et puis la viande de bœuf, bon, bref. On pourrait parler aussi de devenir végétarien. Donc, écoutez, voilà, on a... non, mais c'est vrai, on peut en dire un mot quand même, Jean-Jouzel. La viande de bœuf, c'est un problème du point de vue énergétique. Enfin, ça consomme. Oui, pour faire c'est... un kilo de bœuf, il faut des milliers de litres d'eau. Il faut. C'est par exemple, c'est vrai, oui. Et c'est un des problèmes auxquels on se heurte en France. Enfin, quand on regarde en France, on a une loi qui dont l'objectif est de diviser par 4 nos émissions. Et en fait, c'est la loi sur l'énergie qui va venir sur le tapis dans les jours qui viennent. C'est pour ça que j'en parle. On va bien voir ce qu'elle est dedans, mais c'est clair que du point de vue énergie, c'est-à-dire des 80% d'émissions qu'on a liées aux combustibles fossiles, on y arrive. Hein. On a différentes méthodes, efficacité énergétique. Bon, il y en a qui aiment le nucléaire, d'autres qui ne l'aiment pas. On ne va pas faire un débat, c'est un autre débat. Hein, mais bon, voilà, les renouvelables, on peut faire plein de choses vraiment, et il y a des solutions. Par contre, là où on n'arrive pas, on arrive à diviser par 4 pour la partie énergie, mais la partie agriculture, N2O, et on n'arrive pas à faire. Enfin, il y a quand même des améliorations à faire, mais on n'arrivera jamais à faire. On est bien conscient qu'on n'arrivera pas à faire un facteur 4 facilement sur les pratiques agricoles. Et effectivement, ça veut dire que si on veut diviser par 4, il faut faire plus sur l'énergie qu'un facteur 4. Il faut diminuer probablement par 5. Hein, donc, oui, mais enfin, c'est aussi un comportement individuel. Moi, je ne suis pas très bon, là, quand même. Hein. Je suis né à la campagne. Elle a l'air bien, votre maison, quand même. Bon, il y a des solutions au global et individuel, c'est ce qu'il faut se dire. Merci infiniment, Jean Jouzel et Yann Kerr, pour votre présence et vos explications. Merci infiniment. Et Xavier, bien sûr. Merci à toi. On se retrouve le 17 juin, si vous voulez bien. Comprendre Mars pour comprendre la Terre. On reviendra peut-être à la question de la température tout à l'heure. Comprendre Mars pour comprendre la Terre, c'est le 17 juin. Merci infiniment et puis à très bientôt. Au revoir. Au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée. Et chacun nourrit sa pensée.